Radio debout, la radio qui est pas couchée. Bah parce que elle est debout, donc elle est debout. Elle résiste contre. Elle se dresse contre ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas. Radio debout, la radio qui ne se couche pas. La radio. On est le 55 mars, il fait 8 degrés. Heureusement, il y a un peu de soleil sur notre joue gauche qui éclaire depuis le bout de la place de la République. On est en direct. On va passer à l'AG. Peut-être un petit programme de ce soir d'abord. Avant de passer à l'AG, on va entendre tout de suite Nicolas Flèche, juste après l'AG, qui va lire un texte. Un extrait de Technicien de Sinistre. Voilà. Et après, on aura Jean-Marc Adolphe, le fondateur de la revue Mouvement, une performance avec Thiago Rodriguez, avec 20 participants, qui fait actuellement un spectacle, présente un spectacle au Théâtre de la Bastille. La parole errante demain, le collectif. Ensuite, on aura Nicolas Fleureau, scénariste, et Léa Rinaldi. Ensuite, on aura les architectes debout, et puis on va finir en musique à 23h plus tard. Et là, c'est Chamé. Voilà. Allez, l'AG, c'est parti. Femmes, découvrons-nous des milliers. Bon, petit point technique, la modératrice n'était pas censée chanter ni prendre parti, mais bon, elle a pris une liberté en tant que citoyenne. Désolée. Alors, un point technique de la com' écologie, et ensuite Laura se prépare. Oui, c'est très rapide. Mardi de 16h à 18h, on va avoir une conférence ici. Ça va être une conférence avec des intervenants très au point sur le nucléaire. C'est pour commémorer Tchernobyl. Le nucléaire, c'est pas demain. Demain, c'est maintenant et tout de suite. Sortir du nucléaire, c'est possible. On va en débattre. Et mardi de 16h à 18h, ça débordera peut-être un petit peu parce qu'on a pas mal d'intervenants et ça vous plaira bien que ce qu'on... En tout cas, on vous invite à venir participer. Voilà. Le nucléaire, c'est bien plus qu'important, c'est un danger permanent. C'est 16h ou 18h ? De 16h à 18h. De 16h à 18h. Voilà. Donc, Laura et Fahima se préparent. Et si vous vouliez venir vous asseoir, ça fait un peu dépeuplé là, l'AG quand même. Ce serait bien. Venez vous asseoir, venez. Et plus vous êtes proches les uns des autres, regroupés, plus ça tient chaud. On aimerait bien s'asseoir au milieu, nous aussi. Allez. Moi je viens un petit peu de toutes les commissions parce que j'ai passé ma journée à passer de commission en commission, justement. C'était très intéressant, merci pour toutes les commissions avec lesquelles j'ai discuté. Et j'étais dernièrement avec la commission qui s'occupe de la charte. Et on a eu pas mal d'idées, et l'une d'entre elles, c'était de faire une sorte de commission intercommission, c'est-à-dire des gens qui vont de commission en commission et qui rapportent, c'est vrai, dans notre commission on a parlé de ça, et puis dans une autre commission on a aussi parlé de la même chose ou d'autre chose, de façon à créer une sorte de synergie qui serait plutôt sympa, qui nous sortirait un peu de notre alignement d'oignons, si je puis dire. Et donc voilà, j'ai une proposition. Moi, je vais repartir, je reste jusqu'à demain. Et ce serait chouette si des personnes pouvaient essayer de faire ça aussi. Merci beaucoup. Donc pour reprendre la proposition de Laura, on note pour ceux qui sont censés faire un compte-rendu, que donc l'idée c'est d'essayer d'avoir un groupe, est-ce que c'est une commission ou un groupe de personnes qui tournent un peu dans toutes les commissions, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de redondance. Et c'est vrai que ça devient un peu un souci. Donc s'il y a des gens que ça intéresse d'aller de jouer un petit peu les agents qui tournent dans toutes les commissions pour voir si on peut essayer de faire converger les réflexions, venez vous inscrire et puis laissez vos mails et ça circulera. Donc est-ce que Fahima est prête? Et Simon se prépare. Et sinon Simon se prépare ou vient si Fahima n'est pas là. Oui, moi c'était juste, j'ai proposé là il y a quelques jours qu'aujourd'hui on voterait sur la question l'AG, la place de l'AG au sein du mouvement. Et ce que je proposais, c'est qu'on vote le fait que la... Ouais. Le fait que la... Non, il faut pas trop là. Le fait que l'AG soit souveraine, au niveau des décisions et qu'elle reste centrale au niveau du mouvement. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Est-ce qu'il y en a qui sont pour qu'on vote ça? Attends, c'est pas... Non. Donc on va laisser le point spécial sur le sujet et s'il ne passe pas ce soir, j'appellerai qu'on fasse une commission sur le côté et qu'on vous revienne et qu'on fasse voter. Tout à l'heure je le disais, donc on était en train de faire le tour des différentes commissions et des différentes prises de parole. À un moment, on va faire un point effectivement sur le mode de fonctionnement. Il y a la commission démocratie sur la place qui va présenter la réflexion. Fahima était dedans, donc son point de vue va être exposé. Il y a plusieurs propositions qui vont être faites et effectivement, à ce moment-là, on va demander quand même à l'AG de se prononcer, puisqu'il y a vraiment un sujet là-dessus. Mais c'est de toute façon un vote qui va tenir pour un certain temps. C'est pas Radio Debout, toujours sur la place de la République. Radio Debout, toujours sur la place de la République. Voilà, alors pour vous rappeler que si vous voulez nous trouver, vous pouvez aller sur radiodebout.net. Donc voilà, donc comme on vous disait, il fait un peu froid. Alors si vous voulez vous déplacer ce soir, je pense que vous pouvez aller rejoindre les intermittents qui occupent le théâtre de l'Odéon. Voilà, donc prenez le métro, allez les voir, allez les soutenir. Voilà, ce serait super. Et donc nous accueillons aujourd'hui Nicolas Flèche, auteur, qui va nous dire un extrait de Technicien de Sinistre et il reviendra un peu plus tard dans la soirée pour continuer cette aventure de Sinistre. À toi Nicolas. Glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou, mes pieds pataugés dans la soupe du bac à douche bouché. Glou, glou, glou, glou. Glou, déjà 8 mois d'intérim dans cette boîte, à faire le technicien de sinistre. Récurer les murs, les sols, les plafonds, les cuisines après les incendies. D'une main, je mouche une morve noire. La veille, je m'étais tapé une cuisine dans le 15e. Comme j'étais venu en appoint pour la journée, le chef de chantier, Romuald, un connard déguisé en faux cul, m'avait refilé la pièce où avait eu lieu le départ d'incendie. Une poubelle sous un évier céramique indémontable. Le feu avait couvé, sous l'évier, rien n'avait cramé en dehors de ce placard, mais tout, jusque dans la cage d'escalier, semblait carbonisé. Parce que la vieille demoiselle avait amassé là-dessous des années de sacs plastiques, la suie avait retapissé son 3 pièces d'une suie qui déchirait les sinus. Les pompiers. Les pompiers, hormis leurs dégâts des eaux, laissaient le compteur électrique bousillé. On avançait là-dedans comme dans une mine. Glou, glou, glou, glou, glou. Vers 10h, nous étions parvenus à brancher les halogènes sur le circuit de l'ascenseur. Personne n'avait touché le frigo depuis 10 jours, ce qui, suppuré d'Arthur Martin, m'avait croché l'estomac sur la glotte. Romuald avait appelé Paluel, le magasinier, qu'il nous fasse livrer des masques à cartouches, mais au dépôt, c'était branle-bas. Didier partait en urgence, il embarquait tout ce qui traînait pour une sucrerie, dans Lyon. 90 pompiers, 7 heures d'incendie, il fallait qu'une équipe commence à gratter pendant qu'ils feraient le devis. La boîte était au coude à coude avec une grosse Allemande. Mais la boîte voulait ce chantier. Elle l'aurait. Rafler toutes les parts, bouffer la France, bouffer l'Europe, bouffer la Chine, sa muraille, son premier secrétaire, son PIB, sa croissance. Gloops. Rummel nous avait collé son portable sous le nez. On n'entendait pas l'UL qui stridait. Il y en a pour deux jours au moins à préparer cette commande. Au bas mot, j'ai personne, je les ai tous appelés. Manpower, Adeco, Adia, Pratikman, même chez Gorillaz ont pu un pingouin. Romuald avait posé le téléphone sur le rouleau de polyane. Il mimait avec ses deux bras qu'il branlait une bite crétacée dont le gland se situait quelque part au-dessus de sa tête. Paluel perchait dans les aigus. Même un blédard, je leur ai dit du moment qu'il a deux bras, deux jambes en plus, il lui faut un échafaudage à Didier pour tantôt, il sait même pas quoi. Les photos sont toujours pas arrivées, le fax est pété. Romuald avait coupé le téléphone. Une sucrerie. On apprendrait vite comment les mecs en chiaient là-bas dans Lyon. Un mois et demi, ça leur coûterait pour qu'ils s'arrachent du caramel. Pendant quelques temps, à la boîte, il y aurait ceux qui l'avaient faite, la sucrerie, puis ceux qui ne l'avaient pas faite. Il y aurait distribution de primes, de privilèges pour ceux qu'on appellerait désormais les 40 bars. En attendant, fallut faire sans masque pour le jus du frigo. Avec David, nous nous entourons Madame de Chiffon, puis nous nous relayâmes à l'apnée, à la suite de quoi David partit à la déchetterie, ce vénard. Le commercial nous avait prévenu que Mauduc, le type de l'assurance, ferait son inspection en fin de journée. Il était du genre, Mauduc, à passer un coton-tige dans les coins, dans les serrures. S'il ramenait de la suie sur son petit bout de coton-tige blanc, il était baisé. J'avais dû me contorsionner pour rentrer sous l'évier. Le compteur dans l'omoplate, les mandibules dans le siphon, glou-glou. Les rotules sur le crâne, je m'escrimais à faufiler le manche du pulvérisateur avec moi. Comme je rentrais enfin, mon coude, le bec avait foiré. Elle m'était pris la giclée de B48 pleine poire. Pas trouvé la sortie tout de suite. Maintenant, mon cœur me battait dans l'œil. 5h37. La vapeur de douche stagnait entre le lavabo et le chiotte. Sur la plaque électrique, l'eau pour le café bouillait. Je m'étais glissé dans notre chambre où j'enfilais mes vêtements qui puaient la sueur. La chambre froide en panne, elle était là, au chaud, livrée au hasard de la nuit. J'aurais voulu être fou, j'aurais voulu envoyer chez le con qui m'attendait là-bas, j'aurais voulu me refoutre au chaud, j'aurais voulu la prendre sur le fait, avec mon nez soulevé ses lèvres, avec ma langue fouiller son con, avec mon nez, avec mes lèvres sucer sa pulpe, faire monter son suc, le regarder qui ruisselle vers sa raie brune, lécher. Au lieu de quoi j'allais à Deuil-la-Barre me farcir la cuisine d'un kebab qu'un débile avait incendié. 5h40, café sans tartine, trop tôt, trop tard. 48. Je touillais dans ma bouche le dentifrice et le café. Je me demandais si aujourd'hui, c'est de moi dont elle tomberait amoureuse. J'emballais ma gamelle, saucisse lentille, boutonnais mon manteau, je refermais la porte. Et si l'amour, c'était pareil que le dessous d'un vieil évier. Je m'en souviens. Je m'en souviens bien. Je m'en souviens parce qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là. Déjà, allez voir, toi, sous ton évier. Merci Nicolas. Ça laisse en suspens. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas ton écriture, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as écrit ce texte, comment il est venu, tu vois, voilà, comment ça s'est passé? Alors c'est un texte que j'ai commencé à écrire il y a très longtemps, c'est à l'époque où je travaillais, où j'étais technicien de sinistre en fait. Donc j'étais en fait inscrit dans une boîte d'intérim. Un jour on m'envoie dans une boîte qui a recruté des techniciens de sinistre. Et donc il s'agissait de nettoyer les endroits qui avaient brûlé après l'arrivée des pompiers. J'ai toujours écrit, donc j'ai commencé à écrire les aventures de ce type-là. En fictionnant des choses. Quoi. Et donc là c'est le tout début du texte. Voilà. Et tu as joué ce texte plusieurs fois, c'est ça? Et je le joue régulièrement, soit tout seul, soit avec des musiciens, dans des petits lieux à Paris, quoi. C'était en quelle année? Donc ça t'a pris combien de temps en fait? Le boulot, je le faisais à la fin des années 90. Donc j'ai commencé à écrire des bouts de texte à ce moment-là, que je disais de façon un peu séparée. Et j'ai repris l'ensemble de ces textes-là il y a assez peu de temps finalement, l'ensemble de ces notes-là, et j'ai tout réécrit là, il y a 2-3 ans. Quoi. Alors, avant de repartir vers l'AG, on va vous dire l'heure qu'il est. Il est quelle heure? 20h24, c'est super. Et on est toujours aux places de la République. Et donc voilà, on va retourner à l'AG. Pareil, et deux personnes qui se rassemblent. Maintenant, en même temps, je vais vous annoncer une autre chose. Ce soir, à 20h, sur le journal, sur TF1, je vais passer devant la caméra normalement. Je me suis fait interviewer devant le kiosque cet après-midi pour pouvoir monter une annonce. Je ne savais pas c'était qui à la base. Je l'ai su à la fin. On demande que toute la France se relève, principalement les SDF, parce que c'est eux qui tiennent le pouvoir. Et c'est eux que la police, ils ont peur de nous. Parce que simplement, ils ne pourront rien nous faire. On est SDF, qu'est-ce qu'on peut perdre? Rien du tout. Rejoignez-nous et montrez que vous êtes soutenus, que vous venez auprès du SDF pour relever, que la France se relève et que la place de la République arrête d'être relevée tous les matins. La police, les forces de l'ordre, si on parle tranquille avec eux, vont nous dégager différemment. Ils n'iront pas par la violence. Sachez-le, parce que moi-même, je l'ai vécu ce matin. Ce matin, en fait, mon campement, je l'ai déplacé sur l'estrade. Il y a eu 4 CRS qui sont venus me voir. J'ai parlé avec eux. Ils m'ont demandé gentiment de me déplacer sur le côté. Je me suis déplacé sur le côté pour pouvoir au moins éviter la violence. Maintenant, qu'on se rassemble tous et qu'on soit tous unis pour pouvoir défendre toutes les lois qui changent. Merci. Est-ce que la commission vote blanc est prête? Oui, et Jean se prépare. Bonsoir la nuit debout. On n'est pas très nombreux ce soir, c'est un peu dommage. On essaye de se réchauffer. Il y a un petit peu de soleil derrière. Ça donne un peu de baume au cœur pour demain et pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine va être très, très longue et très dure en action. Je voulais juste passer un petit message pour vous dire qu'on est à plus de 3500 participants sur la pétition en moins de 15 jours. Donc je continue et je vais continuer largement. Un autre petit message, demain on réunit la commission vote blanc avec un journaliste de Mediapart qui va périscoper et qui risque d'être repris par Mediapart et relayé. On a 3 gros thèmes en fait dans cette commission demain, qui est abstention au vote blanc, le deuxième le candidat blanc et le troisième le vote blanc et après, pour essayer de débattre avec tous ceux qui ont envie de débattre sur le vote blanc, tous ceux qui ont envie de construire sur un peu l'avenir politique ou l'avenir qu'on essaye de donner aussi à la nuit debout et à tout ce qu'on essaye de faire ici. Donc je vous remercie pour votre attention et bonne soirée. Merci. Alors, ici, Radio Debout. On est toujours en direct de la République, mais on aurait envie d'être à l'Odéon, qui est en train d'être occupé en ce moment même par les intermittents du spectacle. On va recevoir dans quelques minutes Jean-Marc Adolphe, qui est le fondateur de la revue Mouvement, qui va poser des questions avec Léa et Laure sur pourquoi la culture peine à intégrer Nuit Debout. Voilà. On va écouter un petit reportage sur Strasbourg tout de suite, qui a été fait par Radio Campus. Qui est là ce matin. Alors, depuis combien de temps vous êtes sur place à distribuer du café gratuit à la place Kléber? Et ben, on est là depuis 7h du matin. Il est je ne sais quelle heure. 9h. Ouais, bientôt 10h. Et c'est un petit message à passer à Starbucks Café qui vient d'ouvrir depuis quelques jours ou pas du tout? C'est un petit message. Un petit subliminal. Pour la marque Starbucks qui ne paie pas d'impôts en France avec un principe. Là, je vous renverrai peut-être vers quelqu'un d'autre qui pourra plus expliquer bien. Et alors, faut savoir que ce Starbucks là, c'est créé par une personne indépendante, donc il crée son magasin comme n'importe qui peut le créer sur Strasbourg, mais donc il semblerait qu'il paie des impôts, mais il paye quand même des sous à Starbucks pour pouvoir utiliser sa marque, pour pouvoir acheter ses produits, et donc il fait partie de cette organisation quand même. Et comment ? Ah, je vais lire l'affiche en direct du coup. Alors, malgré un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros, Starbucks ne paye aucun impôt en France. Voulez-vous vraiment leur donner votre argent ? Alors, j'adore le slogan. À placarder cette nuit sur tout le Starbucks. Parce que apparemment, il a fait un ravage monumental à l'ouverture. J'ai entendu qu'il y avait 400 personnes à 8h du matin. C'était... La place dans laquelle on est, elle était traversée par une grande ligne de file d'attente. C'était un peu comique de voir des gens attendre pour du café. On se demandait s'il y aurait la queue ce matin. On aurait bien voulu aller proposer du café à ceux qui attendaient, qui faisaient la queue. Ça aurait été très drôle le jour même. Exactement. Bah, si ça se trouve. Hein. Si ça se trouve, on le souhaite. On le souhaite. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes sur Radio 2. Nous sommes en présence de Laure et de Jean-Marc Adolphe, essayiste, journaliste et fondateur de la revue Mouvement. Alors Jean-Marc, toi tu fais le constat d'un silence assourdissant dans les cultures. Pourtant, certains artistes sont présents sur la place. Voilà. Qu'est un silence assourdissant vraiment ? Oui, enfin, donc j'ai fait ce texte sur mon blog Mediapart parce que. Ça fait quoi, 3 semaines maintenant que Nuit Debout existe. Même si je sais très bien qu'il y a des artistes qui participent à des rassemblements de Nuit Debout à Paris et ailleurs, on n'a pas beaucoup entendu certains artistes plus ou moins renommés qui habituellement sont plus prompts à s'engager, à faire entendre leur voix. Bon, voilà. Et donc j'ai fait ce constat effectivement sur les artistes, mais aussi sur les directeurs et directrices d'institutions culturelles, de théâtre, de centres dramatiques, de scènes nationales, de centres d'art, etc. Et non seulement on ne les entend pas, mais... Enfin bon, on pourra en parler tout à l'heure. Il suffit d'aller voir sur les sites internet de certains théâtres, de certaines manifestations. Il n'y a aucune allusion à Nuit Debout. Et donc, d'où le titre que j'ai donné à ce texte sur Mediapart, il se passe quelque chose, sauf dans la culture. C'est-à-dire que les gens de culture font comme si de rien n'était. Rien ne se passe. Comment tu l'expliques ça, que rien ne se passe ou que très peu de choses se passent ? Comment je l'explique ? En 2003, on a quand même entendu pas mal les intermittents. Pourquoi aujourd'hui, ils peinent à s'unir et à faire entendre leur voix ? Alors, non, les intermittents continuent de faire entendre leur voix. Là, on entendait tout à l'heure qu'ils occupent en ce moment même le théâtre de l'Odéon. Mais moi, je suis et je soutiens le mouvement des intermittents depuis 1995. Mais je pense que les intermittents, dans leur majorité, ce n'est pas le cas de tous, notamment au sein de la coordination des intermittents et précaires de Paris et d'Île-de-France, les intermittents sont restés trop corporatistes. C'est-à-dire que le régime social qu'ils défendent et les droits qui lui sont attachés, qui n'est pas un statut, tout le monde dit c'est un statut, non, c'est un régime social qui correspond à une forme de travail discontinu, qui lorsqu'il a été créé, ce régime en 68, correspondait effectivement à une exception culturelle propre au cinéma. Aujourd'hui, le travail discontinu, c'est plus une exception culturelle, tout le monde le vit. Et donc, je pense qu'il faudrait chercher et revendiquer l'extension de ce régime et des droits attaché à des formes de travail discontinues pour l'ensemble de la population. Ça, c'est le premier point sur l'intermittent. Second point, sur les artistes, les gens de culture. Alors d'abord, on est dans un, j'ai envie de dire que pour beaucoup d'artistes, j'ai l'impression que leur nombril a pris la place du cœur et du cerveau. C'est-à-dire que c'est le règne des égaux. Alors bon, oui, certains vont s'engager sur certaines causes, etc. Mais enfin, plus particulièrement, encore plus dans une période de crise, comme on dit, où il y a des restrictions budgétaires, où il y a... chacun, veut avoir un jour son centre dramatique, son centre chorégraphique. Donc c'est la règne de la compétition. Dans les années 80, quand j'ai commencé à écrire sur la danse, sur le théâtre, c'était pas comme ça. Il y avait une grande solidarité. D'abord, dans la danse, par exemple, les années 80 qui ont vu émerger la danse contemporaine en France, même années 70, je suis en train d'écrire là-dessus. Donc, tous les chorégraphes parlent de la danse et de la danse contemporaine comme forme et vecteur d'émancipation du corps et d'émancipation par le corps. Qui parle aujourd'hui d'émancipation par la danse ou par le théâtre, etc. Ça a complètement disparu des discours. Donc chacun essaie de prendre la place de l'autre, en gros. Et comme les places sont comptées, et que, en plus, la distribution des places dans l'institution, relève aujourd'hui soit d'un jeu de chaise musicale, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes qui sont déjà en place, qui vont circuler d'un endroit à un autre. Puis de temps en temps, il y a quelques entrants, s'ils ont bien réussi à intriguer et à faire leur petit manège en douce, ils ont une chance effectivement d'arriver quelque part. Et donc ce sont les nouveaux parvenus. C'est quoi la définition d'un parvenu ? Un parvenu, et il y a des artistes parvenus, c'est quelqu'un qui arrive à une place, de préférence à une bonne place, et quand il est arrivé à cette place, il oublie de là d'où il vient. Depuis quand tu observes ce phénomène-là ? Parce que tu dis que ça fait depuis 95 que tu es engagé. Depuis quand les institutions culturelles sont devenues des tours d'ivoire ? Alors, bon, il faut relativiser, toutes les institutions culturelles ne sont pas, des tours d'ivoire. Moi, je défends quand même l'idée qu'il se passe dans les institutions culturelles des choses intéressantes. Par exemple, je prends juste un exemple, le Théâtre de la Ville à Paris, qui a, une bonne programmation, qui fait des choses intéressantes. Il y a une manifestation qui démarre bientôt qui s'appelle Chantier d'Europe, avec des artistes. Je les connais tous, ou presque tous. Tous sont intéressants. Il se trouve que, et ça c'est quelque chose qui a été programmé de longue date, le 13 mai je crois, il y a une journée au Palais de Tokyo qui est sous le signe de l'utopie, du 500e anniversaire de l'utopie, parce que le livre de Thomas More a été publié à 500 ans. Bon, c'est très bien en soi, mais aujourd'hui il y a un événement dans l'actualité qui s'appelle Nuit Debout. Je ne comprends pas comment un théâtre peut continuer à faire une programmation, un programme sur l'utopie sans chercher à le relier sous une forme ou une autre à cet événement qui a surgi et que personne n'attendait, qui s'appelle Nuit Debout. C'est un exemple parmi d'autres. Qu'est-ce que ça dit du champ culturel finalement ? Qu'il s'est dépolitisé, qu'il s'est désolidarisé du reste de la société ? Qu'est-ce que ça dit ? Alors, pour le dire très vite, d'abord, ce qu'on connaît aujourd'hui comme politique publique de la culture en France, et que beaucoup de pays, même européens, nous envient, c'est quelque chose qui est né à un moment politique précis, c'est le Front Populaire. Donc la culture à ce moment-là est pensée comme un vecteur d'émancipation. La culture, la pensée, les idées, etc. Ce qu'on va appeler, justement dans les années 60, 70, etc., l'action culturelle, qui va être le premier vecteur de diffusion artistique. Par exemple, des formes comme le jazz ou la danse contemporaine ont d'abord été en France défendues par le réseau des MJC, qui aujourd'hui a été complètement massacré. Enfin, je veux dire, parce que quelqu'un un jour, ça s'est fait comme ça subrepticement. Tout ce milieu-là, c'était devenu ringard. Pourquoi ? On ne sait pas. C'était ringard. Donc après, à côté des MJC, il y a eu des centres d'action culturelle qui étaient sous forme associative, et qui étaient dirigés par des gens qui étaient tous au départ des militants de l'action culturelle. Ce n'était pas leur métier. Et puis, à partir des années longues, la culture est devenue une profession en soi. Donc il a fallu, donc il y a eu des formations spécifiques et on a formé ce que Godard appelle des professionnels de la profession qui gèrent maintenant leur maison. Mais même dans ce réseau, ce qu'on appelle aujourd'hui les scènes nationales, il faut savoir qu'il y a encore 20 ans, les directeurs et directrices étaient choisis sur la base d'un projet artistique. Aujourd'hui, ils sont choisis sur la base d'un contrat d'objectif. Voilà, dans les mots, quoi, ça veut tout dire. Donc c'est le système. Moi, je n'incrimine pas forcément les gens en tant que tels, parce qu'il y a des gens intéressants, mais le système a provoqué cette dépolitisation générale. Et puis, là, je pense que dans la période encore plus récente, il y a quelque chose que je constate de façon très forte, c'est que se développe, y compris chez des artistes et chez les directeurs, directrices de lieux, une forme redoutable d'autocensure. Donc, il ne faut surtout pas ouvrir sa gueule trop, de manière trop évidente, parce que ça risque de nous retomber dessus. Et ça, c'est terrible. Donc, je dis, mais ça va de pair avec l'état d'urgence, avec l'état sécuritaire que le gouvernement a imposé depuis les attentats, prenant prétexte des attentats pour imposer cet état d'urgence qui nous met dans une situation de peur, et donc comme si on était en demande d'être couvé, enfin tout cet état sécuritaire, mais dans les têtes même, ça s'est répandu. C'est-à-dire que, oula, il faut. Enfin, j'en ai fait moi-même récemment les frais, si je puis dire, c'est que j'avais posé ma candidature à la direction d'un théâtre parisien, et voilà, on m'a fait savoir que non, que de toute façon je dérangeais trop, et que encore récemment, parce que tout récemment, j'ai relancé une pétition contre l'introduction de la publicité commerciale sur Radio France. Or, si même on n'a plus le droit d'exprimer une opinion comme ça, c'est-à-dire tout simplement qu'on n'est plus en démocratie. On va faire une toute petite interruption pour aller du côté de Radio Bruitagène à Nantes qui nous diffuse, qui diffuse Radio Debout. Et on va passer un son qu'ils nous ont envoyé, qui a été créé à Nantes. 70, le deuxième était le... Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Bonjour, bonjour, messieurs la police, on aimerait bien vous voir ici, nous protéger, prendre parti au débat. On vous a vu, vous êtes là. Merci la police. Pas d'insulte. Pas d'insulte. Alors dans la notion de bloquer, il y a une notion, se mettre en danger. Je vois mal comment on peut faire une action de blocage avec l'idée de faire chier personne en fait. On se pose pas en schizophrène en se disant « Ouais, je vais bloquer, mais je vais aller bloquer la campagne, ou je vais aller bloquer le bord de la mer, ou je vais aller bloquer les vagues. » D'accord ? Parce qu'on peut bloquer, dans sa tête aussi, on peut bloquer tout seul, mais je vous rappelle que le rouleau compresseur continue d'avancer. Pour exemple, une petite information qui vient de tomber, qui fait du bien... l'année dernière, l'entreprise Air France était au bord de la faillite. On lui a chahuté sa chemise à ce petit garçon. Bah, ce petit garçon, voilà, il s'augmente de 65% de ses revenus. Alors à son niveau, ça fait énormément d'argent. Alors moi, j'aimerais bien qu'on se prenne en main et que si on bloque, on bloque. Alors il faut aussi que vous sachiez, si vous êtes au courant, qu'il y a eu toute la semaine dernière une grève internationale dans les McDo. Pour dénoncer les conditions de travail des gens qui bossent à McDo, je pense que j'ai pas besoin de vous les détailler, vous en avez tous et toutes une idée ici. Donc moi, ce que j'avais envie de vous proposer éventuellement, c'est peut-être d'y aller, sachant que ça a été fait hier à Paris. Ils ont bloqué le Quick, le McDo, le Subway, ils ont été nassés par les flics, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de savoir, je pense, qu'à Nantes aussi on est là, qu'on fait aussi ce genre de choses. Qu'on démarre le collectif On Bloque Tout, on les suit, et qu'on n'attend pas le 28 avril et que ça continue. Voilà, il y a des gens qui viennent de partir en action pour aller occuper le McDo. Enfin, réoccuper le McDo, comme il y a déjà eu lieu samedi dernier, au nez et à la barbe deux voitures de la BAC qui regardent les gens partir. Non, ce n'est pas deux voitures de la BAC, c'est trois voitures de la BAC. Il y a déjà une voiture de la BAC immatriculée CR687TC qui suit le groupe. Les gens sont devant l'entrée du McDo. Les entrées sont bloquées. Ah, ça y est, les gens viennent de pénétrer à l'intérieur du McDo. La bague se rapproche. Les serveuses viennent d'empêcher les gens de rentrer. À l'autre porte, les gens se font expulser manu militari par le vigile. Exact, par le vigile. Une personne s'est apparemment fait frapper à la deuxième entrée, mais les gens restent calmes. La porte est toujours ouverte. Le vigile n'arrive toujours pas à fermer la porte. Ah, ça y est, il a réussi à fermer la porte. Les consommateurs ont réussi à sortir du McDo. On leur propose des fruits et légumes autre chose que du McDo. Il y a toujours des discussions entre les travailleurs de McDo, le vigile et les gens qui sont en train de faire l'action. Ah, on m'informe qu'il y a maintenant 12 baqueux. Les flics en uniforme sont en train d'arriver. Eux, ils ont leur numéro matricule sur leur veste. Ils font le tour de toute la BAC pour dire bonjour. La BAC discute avec pas mal de personnes qui sont en train de faire l'action. Les gens commencent à rentrer. La BAC rentre. Tous les gens qui sont rentrés dans le McDo se sont assis sur les marches. Donc empêche tout le monde de sortir ou de rentrer. Et notamment empêche la BAC de sortir. Ah. Vous êtes quelle radio s'il vous plaît, bonjour. Le gradé est en train d'informer que les manifestants sont assis à l'intérieur dans le sas. La CDI est toujours sur la place royale. La BAC est toujours en train. Est toujours dans, à l'intérieur du McDo. Et ils rigolent et ils discutent. Écoutez, parler, comprendre. Radio Debout. Rendez-vous sur le SoundCloud pour le podcast. De retour à la table de Radio Debout, Jean-Marc Adolphe écoutait ce son qui nous a été envoyé par Nantes Bruitagène avec un grand sourire et une cigarette à la main. Je voudrais revenir sur une chose dont on a parlé tout à l'heure. Les intermittents se mobilisent en ce moment contre une nouvelle réforme de leur régime. Ils occupent le théâtre de l'Odéon. On a dit aussi qu'ils n'étaient pas présents en masse ici sur la place de la République. Le travail discontinu aujourd'hui n'est pas seulement l'apanage des intermittents, des artistes-interprètes, des techniciens, c'est même plutôt au contraire la tendance globale. Pourtant, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de réflexion commune. Est-ce qu'on pourrait imaginer une réflexion commune justement sur cette place de la République ? C'est une très bonne question. C'est-à-dire que, tant que l'on ne débattra pas du travail en lui-même, c'est quoi le travail aujourd'hui ? Chacun va rester isolé dans, son rapport compliqué, angoissant, au boulot qu'il n'y en a pas, quoi. Donc, moi, j'ai commencé cette réflexion en 95, donc j'étais à l'époque au Théâtre de la Bastille, et il y avait un petit groupe d'intermittents, techniciens, qui ont constitué un premier groupe qui s'appelait le groupe Bastille, où ils ont développé une réflexion que je trouvais extrêmement intéressante, qui n'était pas du tout celle de la CGT, plus corporatiste, qui demandait des emplois permanents partout dans les théâtres, etc. Eux, ils disaient, mais non, nous, on a choisi de vivre comme ça. On a envie de ne pas être enfermé dans un théâtre, mais de passer d'un théâtre à une compagnie, etc. Et il dit, ah ben tiens, ça c'est intéressant, parce que c'est quel travail on choisit de faire, comment on choisit de le faire. Et en 95, il y a eu un rapport commandé le plus officiellement du monde dans le cadre de la préparation du 6e plan, à une commission présidée par Jean Boissonnat, qui n'est pas un dangereux gauchiste, c'était le patron de l'expansion, mais on va dire plutôt chrétien-démocrate, etc. Il y avait aussi Dominique Médard dans la commission. En 1995, le rapport de cette commission sort et est publié aux éditions Odile Jacob sous le titre « Le travail dans 20 ans ». En 1995, donc 20 ans après, on y est. Et ce rapport, tous les gouvernements successifs l'ont soigneusement planqué au fond d'un tiroir. Mais à l'époque, ce n'était pas le MEDEF, le CNPF, eux, ils ont lu. Ils disent « Ouh là là, danger ». Ce rapport, par exemple, une chose qui revient aujourd'hui sous l'idée d'un revenu universel, il y a un chapitre de ce rapport qui dit il faudrait peut-être imaginer substituer au contrat de travail tel qu'on le connaît aujourd'hui un contrat d'activité qui couvrirait toute la période active d'une personne depuis le moment où elle commence ses études. Il y a très longtemps de ça, quand j'étais étudiant, on était quatre, on a créé un syndicat étudiant qui s'appelait le Mouvement d'Action Syndicale. On demandait à l'époque un salaire étudiant parce qu'on considérait que les étudiants sont des travailleurs en formation. Donc, depuis le moment des études jusqu'à... Et contrat d'activité qui, donc, assure, un revenu minimum pour tout le monde, une couverture sociale, sachant que tout au long de la vie, c'est terminé l'époque. On dit on va commencer à 16 ans dans une boîte et on va aller dans la même boîte jusqu'à l'âge de la retraite. Non seulement ça n'existe plus, ces formes de travail, mais ça ne répond plus du tout aux aspirations des gens. Donc, la question, c'est quel droit on met en face de ces nouvelles formes et de ces nouvelles aspirations à ne pas vivre que du travail. Et donc, évidemment, le MEDEF, les grands patrons du CAC 40, veulent continuer à avoir une main-d'œuvre corvéable à merci et la plus précarisée possible. Parce que plus on précarise les gens, plus ils ont peur de perdre le peu qui leur reste. Et c'est un gouvernement de la peur. Donc, je vous incite vraiment à... Enfin, si vous écoutez l'émission, à lire un petit livre magnifique qui vient de sortir, je ne sais plus chez quel éditeur, d'un écrivain portugais. Je crois qu'on va recevoir, vous allez recevoir tout à l'heure un metteur en scène portugais, Tiago Rodrigues. Cet écrivain, c'est Mia Couto, et c'est un petit texte splendide qui s'appelle « Murer la peur ». Donc, il faut... On a peur... Le travail, c'est une bonne question. Pourquoi ? Parce que chacun a peur de perdre son travail, ou de ne pas en trouver. Et on est sous la dictature de cette peur-là. Mais il faut sortir de ça. D'une façon plus générale, on a peur de manquer de quelque chose. Et c'est la stratégie même du capitalisme de nous faire croire qu'il faut toujours qu'on ait plus que ce qu'on a déjà. Donc, et puis on n'a pas le dernier iPhone, on n'a pas le dernier truc, etc. Mais ça, c'est propre aux situations de guerre. Et on est en guerre, effectivement. On est en guerre, peut-être pas ici, on l'est aussi ici, depuis avec l'état d'urgence. Mais on l'est en Syrie, on l'est... voilà. Et donc on a peur. Moi, je me souviens, je n'avais que 10 ans en mai 68, mais en mai 68, il était impossible de trouver dans les épiceries du sucre ou de la farine. Parce que tout le monde avait fait des provisions de peur de manquer de l'essentiel. Et ça, on le vit aujourd'hui, à nouveau, pas sur la farine et le sucre, mais la peur de manquer. La peur de manquer de quelque chose. Et effectivement, on manque de quelque chose d'essentiel, qui est de savoir, qui est d'être reconnu en dignité à la place qu'on occupe. Et donc, pour moi, ce qui a pris corps avec Nuit Debout, et c'est pas par hasard que ça a pris corps, place de la République, c'est-à-dire, c'est quelle place on peut prendre dans la République. Cette République qui ne nous donne plus de place, eh bien on va la prendre nous-mêmes, cette place. Et qu'est-ce que tu penses que Nuit Debout peut faire pour la culture ? Qu'est-ce que tu penses que Nuit Debout peut faire pour la culture ? Habituellement, on me pose plutôt la question dans le sens inverse. Qu'est-ce que la culture peut faire pour Nuit Debout ? Et je dis rien. À ceci près, pas tout à fait, à ceci près, donc je crois que Tiago Rodrigues va vous rejoindre tout à l'heure. Demain, 25 avril, c'est le jour anniversaire de la révolution des œillets. Et il faut se souvenir que ce qui a été le signal de la révolution des œillets, c'était une chanson diffusée à la radio portugaise. Ici, place de la République, l'orchestre debout qui est venu jouer, qui a joué la symphonie du Nouveau Monde, ça a eu un impact incroyable. C'est-à-dire que deux jours après, les médias nous noyaient sous Finkielkraut de mouche, et tout d'un coup, même les médias de droite, BFM TV, etc., ne chantaient que les louanges de l'orchestre debout. Donc oui, la culture. Et ce qui était bien, c'est que c'est pas l'orchestre de Radio France ou je sais pas quoi qui est venu jouer. Ce sont des musiciens, amateurs ou professionnels, peu importe, qui viennent, qui se réunissent sur un acte, sur un geste militant, et qui viennent. Et c'est pas démagogique. Je veux dire, c'est la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Donc, c'est splendide. Donc, oui, la culture, elle peut apporter. Je veux dire, il y a des poètes, il y a des artistes qui peuvent apporter leur sensibilité, mais de la même manière que une concierge, un homme d'entretien peuvent aussi. On a tous une sensibilité. C'est une façon de faire culture commune. Mais bien sûr, il y a pas. C'est pour ça que l'expression même qui a servi à un moment donné dans les négociations du GATT d'exception culturelle, au fond, elle est très dangereuse. Parce qu'il n'y a pas d'exception culturelle. Il n'y a pas de gens moins cultivés que d'autres. Les gens ont différents niveaux, différentes strates de culture, mais il n'y a pas, une suprématie du savoir savant. C'est pas vrai. Donc, Thiago Rodriguez, par exemple, moi, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu l'an dernier, je crois, dans la toute petite salle du Théâtre de la Bastille, qui part d'une histoire vraie. Sa grand-mère, qui était en train de perdre la vue, lui demande, parce qu'elle aime lire, de lui apprendre un texte par cœur. Et il lui apprend les sonnets de Shakespeare. Et la manière dont il raconte cette histoire, dans une très grande modestie de moyens, mais c'est génial, c'était magnifique, on sortait de là, mais vraiment avec une joie intérieure profonde. Donc, par contre, c'est pour ça que ça me met un peu en colère de voir que les artistes, les directeurs d'institutions culturelles, tout ça, se remuent pas plus. C'est-à-dire que Nuit Debout doit apporter quelque chose à la culture. Et ça, s'ils ne le comprennent pas, ils vont payer le prix beaucoup plus gravement que les coupes, les restrictions budgétaires qui se multiplient ici et là. Tout le monde dit depuis des années l'art et la culture sont coupés de la société. Et ça, ça fait. Alors ça ouvre un boulevard pour le Front National. C'est ce que Stiegler appelle la misère symbolique. Là, il y a une occasion en or pour reposer en commun la question du sensible, de comment on cultive le sensible, de comment ça se partage. Et ça passe beaucoup par la langue. Oui, moi, ce que je trouve formidable, et en plus, bravo pour vraiment tout ce que vous faites. Moi, je ne suis pas à Paris en ce moment, donc je reste relié à Nuit Debout par Internet et par la radio tous les soirs. Il y a une qualité de son, c'est ça. Et donc, ce qui est formidable dans ce qui se passe là, c'est qu'on est dans un moment où les langues se délient. Les langues se délient. Et dans ces langues qui se délient, bah, y a parfois il y a des copeaux parfois de langues de bois, il y a des langues un peu folles, mais tout ça coexiste. Et ça n'est pas encore figé dans un alphabet, un vocabulaire, et tant mieux. C'est-à-dire qu'il y a un langage révolutionnaire, un langage heureux qui est en train de se chercher. Et les gens qui disent Nuit Debout n'aura aucun débouché politique, mais allez vous faire foutre, d'abord vous n'en savez rien. Et qu'est-ce que vous venez de votre science que qui vous a donné décréter dès maintenant? Bien sûr que Nuit Debout a d'ores et déjà un débouché politique. Après, quelle forme ça va prendre dans 15 jours, dans un mois, dans 6 mois, dans 3 ans, ça effectivement, on ne le sait pas, et tant mieux. Et il me semble que tu vas créer, ou être à l'initiative avec d'autres de Ruralité Debout. Oui, alors ça c'est un autre chantier. C'est un autre chantier, mais aussi semer des graines pour que cette langue révolutionnaire imprègne un peu tout le territoire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Très rapidement, disons qu'il se trouve qu'il y a 22 ans exactement, à un moment où j'étais chassé de mon appartement parisien où je payais pas cher de loyer, je me suis dit, oulala, mais où est-ce que je vais pouvoir mettre mon archive et mes livres? Et quand tu as 40 ans, que tu as une mère femme de ménage et un père manutentionnaire, tu ne vas pas t'amuser à demander la caution de tes parents pour avoir un... Bon. Et donc, je suis tombé sur une vieille baraque de campagne qui était achetée pour une bouchée de pain, que je n'avais même pas, mais ça se trouve. Et j'ai mis tous mes bouquins dans cette maison qui est devenue, en quelque sorte, mon refuge d'écriture. C'est dans un village de 300 habitants au fin fond de la Picardie où il n'y a plus un commerce, il n'y a même plus un café. Et il y a 22 ans, ce village votait très majoritairement à gauche et extrême gauche. Aujourd'hui, 48% Front National. Donc soit on dit, je m'en fous, je vais là, je vois pas, je regarde pas les voisins, etc. Soit on se dit, il y a quand même un problème. Donc là aussi, tout le monde dit, Nuit Debout ne mord pas sur les banlieues, etc. La ruralité, c'est aussi des territoires qui sont complètement à l'abandon. Moi, je comprends les gens qui votent Front National. C'est-à-dire, ils se sentent largués par tout le monde. il n'y a plus les, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus les services sociaux, il n'y a plus les trucs, etc. Mais je veux dire, ces gens-là aussi, ils sont, ils peuvent se demander à bon droit, mais quelle place ils ont dans la République. Et donc, je dis, il faut, voilà, il faut réagir à ça. Et donc, effectivement, le 14 mai, à faire en Tardenois, dans l'Aisne, qui est en plus la patrie natale de Camille Claudel et de La Fontaine, pas loin, donc on va lancer à quelques-uns nouveaux... moi, je suis pas... Enfin, si, je suis, mais... quand j'entends la convergence des luttes, d'accord, mais ça fait un peu langue de bois, d'une part, et ça veut dire ceux qui luttent déjà. Donc, en gros, ceux qui ont déjà quand même une place et qui se battent pour la garder. Attention, c'est bien, mais il faut aller au-delà de ça. Moi, je suis vraiment pour une extension du champ de la lutte. C'est-à-dire, voilà, il faut qu'il y ait, je ne sais pas, handicapé debout, éducation debout, il faut qu'il y ait... donc ruralité debout. Alors pourquoi ruralité? Parce qu'on m'a dit, vous auriez pu mettre campagne debout, village debout. J'ai fait une recherche sur Internet. Quand on tape ruralité, les trois premières pages de recherche Google qui sortent, c'est sur le mouvement Debout la France, qui est le seul à défendre la ruralité. Alors, je me dis, il faut aller leur piquer le truc, quoi. Il n'y a pas de raison de laisser les bonnes idées aux escrocs et aux... Voilà. Donc, 14 mai, vous pouvez venir à Ferrand-Tardenois, sous la halle. Il y aura, on va s'inspirer de Nuit debout, Place de la République. Il y aura une fanfare. Et puis, et le point de départ, dans ce village, donc à côté, où là, il reste quelques commerces, ceux que la grande distribution n'a pas complètement noyés, il y a un point de presse, librairie, le seul à 20 km à la ronde. Et le mec, il était sur le point de mettre la clé sous la porte parce qu'il s'en sort pas. Depuis 4 ans qu'il a racheté ce commerce, qui est son affaire, il n'arrive même pas à se dégager un salaire pour lui. C'est scandaleux. Mais vous savez, ici à Paris, je parle un tout petit peu de la presse, je ne vais pas être trop long, allez demander les plus petits kiosques de la ville de Paris qui ont été concédés par la ville de Paris à Lagardère. Combien Lagardère, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon. Combien, à votre avis, c'est la question, ça c'est même pas super banco, combien les gens qui ont ces kiosques, les plus petits, hein, où ils se caillent en hiver, où ils travaillent tous les jours de 6h du matin à 19h du lundi au samedi, combien ils payent de loyer à Lagardère pour les plus petits kiosques? Dites un chiffre. Aucune idée. Est-ce que ça a plus de 5-0 ou pas? 5000 euros par mois. Et vous demandez à n'importe quel de ces kiosquiers combien eux ils gagnent par mois. Moi, quand Mouvement était à Belleville, le gars qui était à Belleville, il me dit, ben, les mois où j'arrive à dégager pour moi, à la fin du mois, 800 euros, c'est que j'ai fait un bon mois. OK? Et donc, après on dit, il y a une crise de la presse, c'est à cause d'Internet. C'est pas vrai. Les journaux gratuits, oui, un peu. Mais pourquoi on n'interdit pas? Même, c'est bientôt le 1er mai. Le 1er mai, moi je faisais ça, ça faisait de l'argent de poche à mes enfants il y a quelques temps. On allait cueillir le muguet en campagne, dans la forêt, et puis on mettait, dans chaque brin de muguet, il y avait un poème. Et le slogan, c'était « Un brin de muguet acheté, un poème offert ». Ça marchait du feu de Dieu. Mais 1er mai, faisons ça. Mais voilà, ça. Mais bien sûr. Allons-y. Mais tu n'as pas le droit de vendre le 1er mai. Tu peux vendre, c'est le seul jour où tu as le droit de vendre du muguet, mais pas à moins de 50 mètres d'un commerçant fleuriste. D'accord. Tu n'as pas le droit de... Les sociétés d'affichage n'ont pas le droit de mettre des affiches dégradantes pour la femme, notamment, à 100 mètres d'une école primaire. Mais ça ne choque personne que à deux pas d'un point de presse, à l'entrée des gares, des métros, etc., il y a des gens qui distribuent des journaux gratuits. Mais ça devrait être interdit. C'est obscène. Voilà, donc moi, j'avais une arrière-grand-mère qui est presque analphabète, mais qui avait plein de bon sens. Et elle m'a mis une chose en tête qui est... Bah, c'est banal, hein, tout le monde connaît ça, mais on l'oublie. C'est il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Le truc, c'est que quand on est tout seul enfermé dans son truc, des fois, on ne trouve pas la solution. Et donc, le seul moyen de trouver réellement les solutions qui nous appellent, c'est de faire intelligence collective. Et donc, ce qui se passe avec Nuit debout, c'est exactement ça. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est on se réapproprie la politique. La politique, pourquoi ça serait l'affaire des gens qui savent, mais qui savent d'où, puis on voit où ils nous ont amenés avec leur parfait savoir. Et ben voilà, il faut faire intelligence collective et c'est simple. Pardon, merci, je suis très bavard. Merci beaucoup. Bah non, on aurait aimé continuer à discuter. Merci beaucoup, Jean-Marc Adolphe. On va retrouver, en fait, on va faire un petit tour par l'Assemblée Générale et ensuite on retrouve Thiago Rodriguez, dont tu as parlé tout à l'heure. Tu as évoqué son spectacle By Heart, qui était donc sur le principe d'apprendre un poème par cœur à l'Assemblée des spectateurs. Thiago Rodriguez va être avec nous tout à l'heure pour une performance radiophonique. Mais tout de suite, c'est l'Assemblée Générale. Chez vous, là, on va pas vous manger, on aura plus chaud et tout, c'est cool. Bien, bonsoir à tous. Alors, merci à tous d'être venus, d'avoir bravé le froid. Vous êtes très nombreux, finalement, considérez le froid. Alors, moi, je fais partie depuis une semaine, 7 jours de la commission démocratie sur la place. Donc, c'est ici et maintenant. Et voilà, je voulais profiter de ce moment où on est peu, où on va pouvoir animer une discussion pour proposer, voilà, ici à la commission démocratie sur la place, on réfléchit énormément au rapport de pouvoir entre une assemblée populaire et les différentes commissions qui en émanent, les différentes intercommissions qui ont pu être créées. On a le sentiment là que effectivement le pouvoir c'est comme un peu évaporé de l'Assemblée générale. Et ça, c'est quelque chose qu'on regrette énormément. Et on voudrait vous faire participer à notre débat, parce qu'on a un débat entre nous depuis une semaine. Mais on pense que ça vous concerne tous. Et on voudrait savoir votre avis. Donc je pense qu'on va prendre un tour de parole sur ce sujet. Je propose à tous ceux qui font partie de la commission démocratie sur la place de venir exposer leur point de vue sur la souveraineté ou non de l'AG, sur la capacité qu'on a à prendre des décisions, malgré le fait qu'on change à chaque fois, qu'il y a un turnover énorme, mais que malgré tout, peut-être, on peut quand même se mettre d'accord sur des choses. Et là, comme on est très peu, voilà, peut-être qu'on va pouvoir avoir un début de débat. Et l'idée n'est pas de trancher la question, au contraire, l'idée est de tester, l'idée d'expérimenter au jour le jour. L'idée, c'est de commencer le débat aujourd'hui, de le continuer chaque jour, demain, le jour d'après, avec d'autres personnes, avec des personnes qui restent. Voilà. On va quand même fonctionner comme le mode de l'AG habituel. Donc il y aura une modération, les facilitateurs qui prennent les tours de parole. Et on va essayer de respecter des interventions de 2 minutes, histoire que ce soit quand même des échanges. Je vous rappelle que opposition radicale, si vous avez une réponse directe, et c'est en essayant d'être fluide justement dans les discussions. Et j'aimerais bien, s'il y a quelqu'un qui peut se dédier à faire un relevé des principaux points de discussion, parce que là, ça va être un débat important. Ce serait bien qu'on puisse faire un compte-rendu. Depuis tout à l'heure, je ne sais pas tellement s'il y a vraiment quelqu'un qui a fait la prise. Vous faites les prises de notes. Ok, génial. Je voulais en être sûre. Alors, on va commencer le débat par ce qui a été discuté tout à l'heure. Donc il y a eu la commission démocratie sur la place qui s'est réunie grosso modo de 16h à 19h tout à l'heure et qui a un peu fait un certain nombre de propositions. Ça a été aussi voté au sein de cette commission. Moi, j'y ai participé, donc j'ai bien vu ce qui s'est produit. Ils vont vous faire un compte-rendu de l'état des réflexions de la commission et après on enclenche sur la discussion. Bien, alors on avait remis tout à l'heure un peu à plus tard le rapport, mais puisqu'on rentre dans le débat, autant savoir de quoi on parle. Donc au départ, on a établi à peu près 4 articles. Donc considérant que nul ne peut se prévaloir de représenter la démocratie à lui seul, ce qui pose la question de pourquoi on s'appelle Commission démocratie. Qu'est-ce qui a été écrit là ? Ouais. La commission donc démocratie sur la place, puisqu'elle s'est intitulée comme ça, elle a voté pendant une heure, elle a débattu pour savoir comment elle s'appelait. La commission démocratie sur la place a décidé à l'unanimité moins une abstention, la proposition suivante. Notre commission ne peut prendre de décision que concernant ses propres fonctionnements, ce qui signifie que c'est à l'Assemblée de décider comment elle fonctionne, du moment où elle se réunit jusqu'au moment où elle se dissout, aussi bien en termes de dispositif que de contenu des débats. Si le dispositif de la tribune ne correspond pas à l'esprit de Nuit Debout, qui apparemment dans tous les cercles, les commissions se réunissent en cercle, vous avez le droit d'en changer. Si le modérateur ne fait pas respecter, ou la modératrice, ou la modération ne fait pas respecter le système de débat qui est en cours dans Nuit Debout, vous avez le droit d'en changer. Simple information. La commission, on reprend, petit b de l'article 1, elle se contente d'élaborer des avis et propositions et de la soumettre en assemblée. Dans la mesure où la commission ne peut prendre des décisions que pour elle-même, elle incite donc les autres commissions à fonctionner sur ce même système. À ce titre, article 2, la dite commission suggère d'organiser à partir de ce soir un débat concernant la proposition des commissions, donc grève générale et convergence des luttes, au sujet donc de l'association de Nuit Debout et des syndicats, des syndicalistes, hein, puisqu'ils ont insisté là-dessus, pour les journées des manifestations du 28 avril, etc. Si, ça a été voté. Il y a débat à ce sujet, et donc la commission incite au débat sur ce sujet. Article 3, nous avons estimé qu'il était nécessaire pour l'Assemblée de s'approprier le débat démocratique sur la place. Radio debout. Ah oui, alors toujours sur l'article 2 par rapport... Alors, nous sommes sur Radio Debout en direct de la place de la République et donc nous accueillons à Radio Debout une délégation d'Occupation Bastille qui est une occupation artistique du Théâtre de la Bastille. Oui. Menée par Thiago Rodriguez, une équipe artistique de comédiens français et portugais, 70 spectateurs et toute l'équipe d'un théâtre. Je leur laisse tout de suite la parole. Mais je sais pas, vous avez une question ? On était tourné sur nous-mêmes, trop, nos problèmes d'intermittents. C'est quoi la question ? Il y a une cave à la Bastille ? Il y a un rapport avec le théâtre ? Quel est le conflit ? Qu'est-ce qu'on vient oublier au théâtre ? Vous avez des responsables ? D'autres questions ? Veulent-ils rencontrer les nôtres ? Qu'est-ce qu'on vient chercher au théâtre ? Nos problèmes d'intermittents ? Est-ce politique de donner la parole aux spectateurs qu'est-ce dans l'occupation Bastille ? Au théâtre ? Vous aviez l'impression d'une trop grande différence ? Ça n'a pas pris ? Qu'est-ce que c'est les bonnes questions ? Est-ce qu'ils ont des délégués, les spectateurs ? Qu'est-ce qui m'a modifié ? C'est quoi la représentativité ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'oublie pas un spectacle ? Est-ce qu'on peut travailler dans un théâtre et être spectateur ? Est-ce qu'on occupe le théâtre pour empêcher le théâtre de crever ? Est-ce que vous savez qu'on a des comédiens portugais avec nous ? Qu'est-ce qu'on est libre ? Qu'est-ce qui a été modifié par le spectacle ? Derrière le rideau, il y a quoi ? Un lit ? Est-ce que c'est normal ? Pourquoi ? Est-ce que vous connaissez la problématique de l'entre-soi ? Il y a des loges à la Bastille ? Est-ce que vous dormez pendant le spectacle ? Est-ce qu'un spectateur de théâtre a des droits et des devoirs ? Est-ce que l'acteur, si on ne se souvient pas de son nom, c'est qu'il a bien joué son rôle ? Est-ce Pourquoi qu'on peut applaudir si on a dormi ? La banlieue ne vient pas au théâtre de la Bastille, au musée ? Je me dis, est-ce que je vais y aller ? Oh, non, je prends des billets. Quelle date ? Je choisis le jour des 10 ans de la mort de mon père. Pourquoi ? Quand on travaille dans un théâtre, est-ce qu'on reste un spectateur ? Il n'est plus vrai que pour produire plus, il faut travailler plus, ni que produire plus conduit à vivre mieux. Il n'est plus vrai non plus que pour que chacun travaille mieux, tout le monde s'en trouve. La crise présente a impulsé une mutation technique d'une ampleur et d'une rapidité sans précédent. La révolution microélectronique, celle-ci a pour effet et pour but des économies de travail rapidement croissantes dans l'industrie, aussi bien que dans les administrations et services. Des productions croissantes y sont assurées avec des quantités de travail décroissante. Il en résulte que le processus social de production n'a plus besoin que tout le monde y travaille à plein temps. L'éthique du travail en devient impraticable et la société de travail est en crise. Ce qui était utopique au début du siècle dernier cesse en partie de l'être aujourd'hui. Le processus social de production, l'économie, requiert de moins en moins de travail salarié. La subordination au travail salarié et au but économique de toutes les autres activités et fins humaines perd son sens et sa nécessité. L'émancipation, par rapport à la rationalité économique et marchande, devient possible. Elle ne se réalisera que par des actions qui non seulement la prennent expressément pour but, mais en illustrent la possibilité. L'action culturelle, le développement d'activités alternatives prennent une importance toute particulière dans ce contexte. La libération du travail à but économique par réduction de sa durée et le développement des autres types d'activités, autorégulées, autodéterminées, sont seuls susceptibles de conférer un sens positif aux économies de travail salarié qui découlent de la révolution technique en cours. Le projet d'une société du temps libéré où tout le monde pourra travailler, mais travailler de moins en moins dans un but économique, ce projet est le sens possible du développement historique présent. Il peut donner une cohésion et une perspective unifiante aux différentes composantes du mouvement social, car 1. Il surgit dans le prolongement de l'expérience et des luttes ouvrières passées. 2. Il dépasse cette expérience et ses luttes vers des objectifs conformes aux intérêts des travailleurs, aussi bien que des non-travailleurs, et peut donc cimenter leur solidarité et leur volonté politique commune. 3. Il correspond à l'aspiration d'une proportion importante d'hommes et de femmes à reprendre le pouvoir sur et dans leur vie. T'es contre ? Est-ce que tu peux voir un spectacle sans travailler ? Quand on est cuisinier, est-ce qu'on continue à manger de la même façon ? Pourquoi ? Tout le monde est acteur. Est-ce qu'on a conscience qu'il y a d'autres spectateurs ? Est-ce que vous pensez qu'on est là parce que ça va pas ? On est là parce que ça va ? Est-ce qu'on a conscience qu'il y a d'autres spectateurs ? Est-ce que voir, c'est consommer ? Quel est le conflit ? Est-ce qu'on n'a pas toujours peur de ce qu'on ne connaît pas ? Est-ce qu'on prépare un cahier de doléances ? Est-ce que votre question n'en cache pas une autre ? Quelle est la question ? Il s'agit de permettre à chacun et à chacune de travailler, mais de travailler moins, de travailler mieux et de recevoir sous forme de revenus réels croissants sa part de la richesse croissante qui est socialement produite. Cela suppose que la durée de travail, qui est actuellement d'environ 1600 heures par an, soit ramenée par palier et de façon programmée à environ 1000 heures dans 15 à 20 ans, sans diminution du niveau de vie. Au contraire, cela requiert un ensemble de politiques spécifiques et en particulier une politique sociale qui fasse dépendre le pouvoir d'achat non pas de la quantité de travail fourni, mais de la quantité de richesse socialement produite. J'y reviendrai. C'est de la guerre de mouvement. On peut parler d'autre chose ? Est-ce qu'on se plaindrait pas trop tout le temps, moi je dis ? Est-ce que les gens à République arrivent à créer des liens avec ce qui se passe autour ? Est-ce que vous êtes de vrais spectateurs ? Devrait-on pas sortir du théâtre et poser nos questions ? En quoi ça compte si ça compte ? Quel est le lien entre cette occupation et celle de la République ? Est-ce qu'un artiste travaille ? Est-ce que vous pensez au public en jouant ? Est-ce que le théâtre est un lieu à l'abri du monde extérieur ? Oui, mais est-ce qu'on est obligé de parler du théâtre en sortant ? Est-ce que les acteurs se prennent pour Madame Bovary ? Une réduction progressive de la durée du travail à 1000 heures par an, au moins, confère au temps disponible des dimensions entièrement nouvelles. Le temps du non-travail n'est plus nécessairement un temps pour le repos, la récupération, le divertissement, la consommation. Il ne sert plus à compenser la fatigue, les contraintes, les frustrations du temps de travail. Le temps libre n'est plus simplement ce temps qui reste, toujours trop court, dont il faut se hâter de profiter et durant lequel il n'est pas question d'entreprendre quelque chose. Lorsque la durée du travail est ramenée à moins de 25 ou 30 heures par semaine, le temps disponible peut être rempli par des activités que l'on entreprend sans but économique et qui enrichissent la vie de l'individu et du groupe. Einstein a conçu la théorie de la relativité durant les loisirs que lui laissait son travail à plein temps à l'Office des brevets de Berne. Qu'est-ce que c'est une mauvaise pièce ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manger des pop-corn au théâtre ? Mais y a-t-il quelque chose qui te permette de dire que c'est une mauvaise pièce ? Est-ce que notre occupation, c'est trouver le rapport avec le mot ? Est-ce que quand on vous embauche, on vous demande si vous allez souvent au théâtre ? Avec ou sans intention ? À la différence du revenu social, qui compense tant bien que mal une situation d'exclusion sociale et économique, la réduction de la durée du travail répond à une triple exigence de justice. 1. Il faut que les économies de travail que permet la mutation technique bénéficient à tout le monde. 2. Il faut que tout le monde puisse travailler de moins en moins afin que tout le monde puisse travailler. 3. Il faut que la décroissance de la durée du travail n'entraîne pas de décroissance du revenu réel puisque plus de richesses sont produites par un moindre travail. Il faudrait une commission de contrôle des langages. Est-ce qu'on est plus civilisé, plus éclairé parce qu'on fréquente des salles de culture ? Est-ce qu'un journaliste a le droit de le dire ? Quel est le travail des vrais spectateurs ? Pour conclure, j'ai essayé de dégager le sens que l'histoire peut avoir, le parti que l'humanité et que le mouvement syndical peuvent tirer de la révolution technique en cours. J'ai essayé d'indiquer dans quelle direction il faudrait avancer, quelle politique il faudrait mener pour que ce sens s'actualise. Les événements peuvent toutefois prendre un cours qui nous fera manquer le sens possible de la mutation actuelle et dans ce cas, je ne lui envoie pas d'autre. Nos sociétés continueront à se décomposer, à se segmenter, à descendre la pente de la violence, de l'injustice et de la peur. André Gortz, 1989, Métamorphose du travail. Ah mais c'était pas dans la liste des questions? C'était dans la liste des questions? Non, non, c'était André Gortz en 1989 dans Métamorphose du travail. Ah je pense que c'était en 86. En 86. Il y a quelqu'un ici qui fait partie d'un cœur. C'est mais la première est-ce que version nous, par exemple, nous, est-ce qu'on doit être contre la loi est-ce travail? Est-ce que le lien de la scène est encore qui peut être un lien de débat? Pourquoi est-ce que les artistes ne sont pas assez présents à Nuit Debout? On peut pas être pour. J'ai tout compris. Et sinon, est-ce que le théâtre échappe à l'entre-soi? Est-ce qu'on fait bien d'y aller? Tu as besoin de combien de personnes pour être toute seule? Est-ce qu'on peut faire autrement? C'était perdu de vue, non? Est-ce qu'il y a des intermittents au Portugal? On était trop tournés sur nous-mêmes. Ça commence quand? Nos problèmes d'intermittents. Est-ce qu'on peut inviter des passants? Trop permanents? Vous avez de l'argent pour faire la commission? Ça, l'occupation? Non, ce qui m'a interrogé, c'est comment vous faites pour les questions? Ça n'a pas pris? Est-ce qu'on ne devrait pas se poser des questions sur les grandes questions, nous aussi? On est combien en tout? Mais on n'a pas le temps. Qu'est-ce qui veut un texte? Qu'est-ce qui n'en a pas? Quel sera le prochain spectacle? T'as pas le programme? Faut-il donner la parole à tout le monde? Tu parles des autres occupations? Donc les questions continuent. Est-ce que vous, dans la collection de souvenirs, vous arriverez à laisser remonter le passé? Est-ce qu'on rencontre toujours les mêmes personnes qu'on connaît? Est-ce que les questions sont productives? Et comment on se rencontre? Pourquoi l'école et la culture ne s'occupent pas conjointement de poser ces questions, de construire un chemin? La question en amène une autre, c'est déjà ça. Est-ce que la situation est mieux qu'en 1960? Non, pourquoi tu dis ça? Non. C'est ça que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de manger des pop-corns dans les salles de théâtre? Est-ce que l'occupation Bastille, c'est pas l'inversion de la place du public? Est-ce que vous n'êtes pas dérangé par le mot coup de théâtre? Est-ce que vous saviez qu'il y a une occupation en ce moment au théâtre de l'Odéon? Tu parles de la place de la République ou de la place du public? Pourquoi? Faire boule de neige? Est-ce que le spectateur est celui qui voit? Quand est-ce qu'on s'arrête? Quel est le problème du spectateur qui travaille? Pourquoi? Est-ce que le conflit des intermittents, le fait que les artistes se définissent là-dedans, ne nous a pas coupés des spectateurs? Tu veux parler? C'était donc une performance de l'occupation artistique de la Bastille. Quatre comédiens, Thiago Rodriguez qui tenait son téléphone pour éclairer la table des performeurs et des acteurs. Ça fait beaucoup de questions. On ne sait plus si on doit en poser après des questions. Est-ce qu'il y a des réponses? Il y a toujours de nouvelles questions. C'est un petit peu le principe de ces questions, justement. Voilà, une question pour répondre à une question, pour répondre à une question, pour continuer à se questionner. Tu vois pas que je suis en pleine occupation? Et toutes ces questions ont été des questions qui ont été, pour grande partie, posées par les spectateurs qui sont en ce moment avec nous dans Occupation Bastille. Et que Jacques a récupéré et noté. Collecté. On fait différentes propositions en début de journée, des différents ateliers dans lesquels on va se lancer, ou des différents projets dans lesquels on va se lancer. Par exemple, Alma est dans l'engagement. Elle travaille dans l'engagement du corps. Elle travaille sur un répertoire des gestes qu'on aurait vus au théâtre, que les spectateurs nous disent avoir vus au théâtre. On travaille sur des mémoires des spectateurs, des mémoires de spectacle. Il y a des mots, beaucoup de mots, des narrations comme ça, de souvenirs. Et puis moi, oui, je travaille sur les gestes, par exemple, les gestes de spectacle dont on se souvient. Et comme ça, on crée une collection de gestes. C'est une occupation qui est très particulière parce que c'est une occupation souhaitée de la part des occupés, c'est-à-dire le Théâtre de la Bastille a invité Thiago Rodriguez et nous-mêmes à venir occuper le théâtre pendant 2 mois et demi, 68 jours, pour y faire quelque chose. Et il s'agit d'une occupation pour produire et non pas pour arrêter de produire. Il s'agit d'une occupation artistique et non pas d'une occupation pour s'arrêter. On ne vient pas souvent ici, on le regrette, mais c'est une occupation qui nous prend beaucoup. Et donc on est entouré là de tout un tas de gens qui sont peut-être aussi des spectateurs d'Occupation Bastille, qui sont là tous avec nous, pas seulement, j'imagine, il y a aussi un peu des gens de là. C'est un mouvement très... Ah oui, il y a plein de mains qui se lèvent. Beaucoup de spectateurs et puis des gens de l'équipe aussi. Et des gens de l'équipe, de la Bastille, bien sûr. Ouais. Et c'est un travail... qu'est-ce que ça vous fait, cette... contiguïté des événements de l'occupation Bastille avec l'occupation de la place de la République et ce soir du théâtre de l'Odéon? Il y a un hasard assez étrange qui est que cette occupation Bastille, elle était prévue depuis très très longtemps. depuis l'année dernière. Encore une fois, je répète, c'était une occupation qui était souhaitée, proposée, et non pas qui avait pour but d'être une occupation artistique et non pas une occupation pour arrêter de faire quelque chose. Et il se trouve que, incidemment, le mouvement de la place de la République est arrivé au moment où nous commencions à peine l'occupation. Donc effectivement, le lien, on ne peut pas ne pas le faire. On est évidemment ouvert sur ce qui a lieu ici. La raison de notre présence ici, elle est celle-là, et de ces questions-là, elle est aussi une manière de témoigner du fait qu'à l'intérieur de cette occupation qui n'est pas un arrêt, mais une chose qui continue à réfléchir, à voir comment est-ce qu'on produit ou on réfléchit à faire de l'art ensemble avec des spectateurs, on reste ouvert sur ce qui se passe et on fait évidemment rentrer dans le théâtre les questions qui l'entourent. Et c'est... Est-ce que je peux répondre par Edgar Morin interposé? Bien sûr. Oui, c'est un poème que j'avais choisi, pardon, c'est un travail, un discours sur la poésie, poétiquement et prosaïquement à la fois, qui veut dire que chacun d'entre nous est de la source de poésie. Tout d'abord, il faut reconnaître que quelle que soit sa culture, l'être humain produit deux langages à partir de sa langue. Ça me fait penser à Bastille ou République. Deux langages. Un langage qui est le langage rationnel, empirique, pratique, technique. Vous allez penser à autre chose. Et l'autre qui est symbolique, mythique, magique. Le premier langage tend à préciser, dénoter, définir. Il s'appuie sur la logique, il essaie d'objectiver ce dont il parle. Le second langage utilise plutôt la connotation, l'analogie, la métaphore, c'est-à-dire le halo de signification qui entoure chaque mot, chaque énoncé, et essaie de traduire la vérité de la subjectivité. Ces deux langages en chacun peuvent être juxtaposés ou mêlés, ils peuvent être séparés, opposés, et à ces deux langages correspondent deux états. L'état premier qu'on peut appeler prosaïque, l'état où nous nous efforçons de percevoir, de raisonner, qui est l'état qui couvre une grande partie de notre vie quotidienne. Le second état que je vois ici à la place de la République, que l'on peut appeler un état second, l'état poétique. Fernando Pessoa disait qu'en chacun de nous, il y a deux êtres. Le premier, le vrai, c'est celui de nos songes, de nos rêves, qui naît dans l'enfance, qui se poursuit toute la vie. Le second être, le faux, est celui des apparences, de nos discours, de nos actes, de nos gestes. Je ne dirais pas, moi, que l'une est vraie. Elle est jolie, la faute de frappe, parce que c'est écrit l'une, c'est devrait être. L'un est vrai, mais comme le disait Jacques Prévert, de deux choses l'une, l'autre le soleil. Je ne dirais pas que l'un est vrai et que l'autre est faux, mais effectivement, à ces deux états correspondent deux êtres en nous. Donc, poésie, prose, tel est le tissu de notre vie. Hölderlin disait poétiquement, l'homme habite la terre. Je crois qu'il faut dire que l'homme l'habite poétiquement et prosaïquement à la fois. Merci, merci. Dans l'ensemble de toutes ces questions, on retrouve aussi ce qui peut-être vous a fait venir jusqu'ici, c'est-à-dire la question politique, en fait, qui est aussi très au cœur de vos préoccupations. L'artistique, on l'a vu, c'était le débat précédent, les artistes, on trouve qu'ils ne sont pas beaucoup là, mais vous êtes là ce soir. Comment est-ce qu'on arrive à relier ça, justement? Est-ce que ça, occuper Bastille, c'est une façon de relier? Non, on ne relie pas. Enfin, je veux dire, notre présence ici, elle est déjà due à votre invitation. Mais nous, le lien, il est en question, justement. Précisément, c'est comment faire le lien. On ne peut pas prétendre faire un lien depuis le théâtre de la Bastille ici. Notre volonté, c'est un peu la volonté de tous les citoyens, individuellement, de passer, de venir, passer du temps, s'interroger, etc. Je pense que le lien, on ne peut qu'espérer qu'il se fabrique avec le temps, pour l'instant. Et on serait bien à même de dire qu'il existe, concrètement. Il y a actuellement réellement une autre occupation qui a lieu, dont il faut témoigner de manière vraiment très très importante. Ce soir, il y a le théâtre de l'Odéon qui est occupé par des gens qui ont d'ailleurs besoin qu'on les rejoigne, si vous voulez les rejoindre, qui occupent actuellement le théâtre de l'Odéon pour réfléchir ensemble à la tentative de démantibulation totale du système de l'intermittence du spectacle et à cette occasion-là de réfléchir justement à la notion du travail. Et là où il y a un lien extrêmement fort et important dont n'a pas parlé Jean-Marc Adolphe tout à l'heure, il est là. C'est qu'il y a des gens qui en ce moment se posent la question du rapport au travail à travers la question de l'intermittence, et si lien il y doit y avoir, il existe là maintenant dans l'occupation du théâtre de l'Odéon, parce que demain il y a une réunion avec le MEDEF qui est la dernière réunion de négociation que va faire le MEDEF pour rediscuter des conditions de ce statut d'intermittent du spectacle. Alors, il y a un rassemblement massif demain, le 25 avril, à 17h, devant le ministère du Travail, 127 rue de Grenelle, métro Varennes. Dernier jour de négociation pour les annexes 8 et 10. Et c'est donc pour l'intermittence du spectacle, c'était important de le dire. Rassemblement massif demain, 25 avril, à 17h, à ne pas oublier. Mais justement, on essaie de faire le lien entre tout ça. Et donc, pour faire le lien de cette occupation massive qui est ici, qui est venue jusqu'à la place de la République, on retourne à l'AG et on revient. Rentre pas nécessairement en contradiction. Mais la manière dont c'est géré en ce moment font que pour moi, ça rentre en contradiction. Pour moi. Ce qui se passe, c'est que on passe depuis 2-3 semaines des journées entières sur la place à essayer d'agir, à essayer de faire des choses qui sont rediscutées en AG ensuite avec des gens, et c'est, je remets pas ça en cause, mais j'attire juste votre attention sur le fait que dans l'AG, il y a beaucoup de gens qui viennent voir de temps en temps et tout, ce qui se passe, etc. Et donc moi, j'aimerais bien que collectivement, on réfléchisse à est-ce qu'un vote de gens qui passent comme ça pour décider d'une action... Excuse-moi, je finis mon... Est-ce qu'un vote comme ça de gens qui passent pour décider d'une action, il a lieu d'être quand il y a aussi des gens qui bossent toute la journée pour essayer de monter des projets? Il y a une vraie réflexion collective à mener dans ce sens-là. Je ne dis pas que c'est vrai, que ce n'est pas vrai. Mais il faut y réfléchir. Parce que concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'épuiser, quoi. Au bout d'un moment, moi, je vais aussi m'épuiser. Et du coup, je pense que vraiment, il faut qu'on prenne soin les uns des autres et qu'on réfléchisse collectivement à comment est-ce qu'on gère cette double temporalité et comment est-ce qu'on fait pour à la fois respecter le processus démocratique et à la fois respecter le travail des bénévoles, des militants, etc., enfin de tout le monde qui est sur la place et qui se casse le cul à défendre des projets, à monter des projets. Donc juste pensez-y, le débat a toute sa légitimité et c'est bien qu'il soit mené, mais pensez-y quand vous prenez ces décisions-là, quoi. Et donc, nous avons encore une fois une réponse directe. Oui, c'est une réponse directe. Donc, on est dans un mouvement du mouvement où va falloir qu'on mette... Réponse directe. On est dans un moment du mouvement où il va falloir qu'on mette sur la table nos méfiances réciproques si on ne veut pas qu'elles nous dévorent. Voilà. Donc, moi, très clairement, j'ai entendu plein de bonnes choses dans ce qu'a dit celle qui m'a précédé. J'ai aussi entendu trop de choses qui me rappellent les vieilles tactiques de manipulation communiste. Je suis désolé. Et oh, j'ai été élevé dans la religion prolétarienne. Ok, tous les mecs dans ma famille sont à la CGT. Ça va. On va pas me donner des leçons. Donc, voilà, les histoires de double temporalité, c'est bien. Mais le mouvement social, on va pas m'intimider en employant des mots comme convergence des luttes, mouvement social ou je sais pas quoi. Tout ça, c'est des mythes qui ont échoué une fois de plus. Et s'il n'y avait pas eu ce mouvement de démocratie à la base, là, hein, est-ce que la CGT aurait craqué, aurait bougé son cul pour enfin proposer la grève? Merde! Aujourd'hui, il y a... Donc, aujourd'hui, je réponds au fait que... Il y a besoin de... On a été déserté par toutes les élites sociales, politiques, syndicales. Il y a besoin de ce mouvement de protestantisme. Il y en a marre de la version politique du catholicisme. Merde ! Alors, on va faire attention de ne pas partir. On fait attention de ne pas partir avec le micro. Le micro, il est bien quand il est ici. Nous avons donc une seconde, une quatrième ou une cinquième réponse directe. À Margot. Oui, juste à Margot. Moi, je ne suis pas d'accord avec... Enfin, en partie avec ce qui vient d'être dit là. Juste dire que, par rapport à ce qu'a disait Margot, juste dire que ça serait bien qu'on parle politique pour de bon et qu'on parle de l'enjeu politique plutôt que de dire respecter le travail des uns et des autres, parce que moi je respecte le travail de tout le monde, même de celui qui éteint sa télé pour allumer son cerveau, pour s'asseoir ici, se concentrer et... Même ça se respecte aussi. Donc tout est à respecter, même si je suis... Ben voilà. Donc par rapport à Margot, réponse directe, je suis d'accord avec toi, mais voilà, tout le monde... Et donc voilà, pour te répondre, justement, tu as pointé du doigt ce pourquoi j'avais proposé la souveraineté de l'AG. Là, l'enjeu en ce moment, c'est justement cette semaine, il y a des dates. Il y a des dates avec lesquelles je suis pour, tu vois. Mais en même temps, il faudrait l'enjeu, je pense, que cette semaine, il y a le 28, le 29 et le 30 pour la suite des luttes. C'est un enjeu qu'on ne va pas négliger. Mais l'enjeu aussi, c'est la continuité de ce mouvement. Et ce mouvement, sans les AG du soir, il perdra de son volume. Et le reste n'ira pas. Donc les deux, ils vont ensemble. Donc la souveraineté, l'enjeu de la souveraineté de l'AG, c'est juste de dire que le mouvement, on ne connaît pas ce qui va se passer, on ne connaît pas le destin de ce qui se passe, on n'a pas la boule de cristal, mais si ce mouvement doit continuer, il doit continuer, c'est les AG qui doivent garder. Il y a beaucoup de bruit derrière. Non, je ne sais pas quoi. D'accord. Voilà, mais tu parles à côté. Donc voilà, juste dire. Voilà, donc l'enjeu, on va parler d'enjeu plutôt que de respect de travail des uns des autres. Je crois que tout le monde se respecte. L'enjeu de cette semaine, ça va être le 27, le 28, le 29. Est-ce que ça va prendre? Sur quoi on va prendre et comment on va aller? Après, l'autre enjeu, c'est les AG. Est-ce que les AG, si elles récupèrent la souveraineté, ça va servir à quoi? Ça va juste servir que s'il y a continuité du mouvement, il n'y aura pas de séparation du mouvement entre, par exemple, je dis une bêtise, mais ce n'est pas une bêtise, c'est ce que j'ai entendu quand même, ce qui a été évoqué, entre un collectif Nuit Debout et un mouvement Nuit Debout. Il ne faut absolument pas ça, parce que pour moi, ça serait avorter un mouvement. Le mouvement, il n'est pas encore éclos. C'est pas vrai, il est en bourgeonnement. Et justement, pour qu'il continue, il faut à tout prix que les AG récupèrent et qu'ils gardent leur souveraineté. Et c'est pour cet enjeu-là. Donc, et ne pas mettre en confrontation les actions, les actions 27, 28, 29 et les AG. Les deux vont ensemble. Ce sont deux moyens différents pour atteindre nos objectifs. Ils ne sont pas en confrontation, ils sont juste complémentaires. Ouais, et pas sous-estimer. Voilà. Donc moi, je réitère ma proposition. Ça fait trois fois. Trois fois, j'ai la journée pour être prêt. Donc si ça ne va pas se voter ce soir, c'est pas grave. Mais ça va se voter quand même. Mais sauf que cette semaine, il y a une des chartres, il y a des statuts qui vont être discutés. Et donc l'enjeu aussi, c'est que ça doit passer par les AG. Et l'idée de faire voter la souveraineté, c'est pas pour que les AG soient souveraines, c'est pas voter pour voter, c'est juste pour que dire que le travail qui va être fait cette semaine, il doit se faire avec les AG. Et peut-être trouver d'autres formes de travail. Comme par exemple démarrer avec des actions, dynamiser, garder la parole libre, mais surtout pour dynamiser. Et ce soir, ça a donné raison à mes inquiétudes, entre guillemets, et j'aurais aimé avoir tort, mais juste dire que si dans la soirée, quand on démarre, à un moment donné, au bout d'une heure, on se sépare en groupe de travail. Radio de fou. Et donc de nouveau à la table de Radio Debout en direct sur la place de la République, on retrouve un petit échantillon de cette occupation Bastille autour de la place. Donc Thiago Rodriguez, un spectateur, Ludovic, et puis deux personnes qui travaillent, qui sont donc de l'équipe du théâtre de la Bastille. Et donc comment est-ce que ce mouvement-là d'occupation Bastille et le mouvement de Nuit Debout, comment est-ce que ça vous engage, vous, dans un projet? Comment est-ce que ça transforme votre projet artistique? Est-ce que ça le transforme? Ah oui, évidemment. Voilà, on était cette occupation Bastille qui maintenant il faut expliquer comme titre. Ça vient d'une envie du théâtre de la Bastille de répondre à une urgence de comment avoir un rapport avec les artistes et le public qui n'est pas trop pris par cette idée de consommation culturelle. Et une autre urgence des artistes de s'inscrire autrement, plus profondément dans la vie de la ville, dans la communauté, dans le public, dans le bâtiment du théâtre qu'ils visitent, et aussi l'urgence qu'on pressentait et confirmons maintenant du public de vouloir créer des liens plus étroits, plus fortes, plus profondes avec les artistes et les bâtiments qu'ils habitent, qui est le théâtre de la Bastille dans ce cas-là. Alors on s'est dit, on va l'appeler, il y a un an, on s'est dit, on va l'appeler Occupation Bastille parce que c'est un mot qui provoque, qui donne à penser, qui crée un débat. Évidemment, quand l'occupation a commencé, il y a une semaine, il y a le monde autour de nous, Bien sûr, on est ouvert au monde autour de nous. C'est un mythe la plupart du temps quand il y a des gens qui disent oui, ils sont dans le théâtre, enfermés en soi-même, dans ses pensées. En fait, pas seulement le public, mais les gens qui travaillent dans le théâtre, les artistes, ils sont dans le monde. Ils rentrent dans un théâtre pour travailler comme n'importe qui pour travailler dans un bâtiment. Alors, on est là, aujourd'hui, en train de créer un lien avec Nuit Debout, à participer, à rechercher aussi pour nous qu'est-ce que ce lien-là, politique, mais aussi artistiquement, quelles sont les conséquences de ce lien. Mais on est là, bien sûr, on a beaucoup discuté avec plein de spectateurs qui ne sont pas juste autour de la table, mais ici autour de la tente, avec l'équipe du Théâtre de la Bastille, avec les artistes, parce que la nature de cette occupation, c'est le cas, c'est le fait qu'on est là depuis le premier jour de travail, tous ensemble, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps quand on crée des spectacles, d'avoir tout le monde ensemble dans la salle, avec l'opportunité de parler et de participer à plein droit, comme des égaux, depuis le premier jour. Alors déjà là, il y a un lien avec cette volonté d'ouverture démocratique vers le processus artistique. Mais en plus, je dois dire qu'on pourrait être là même si on était en train de créer en Molière. En fait, je pense que ce lien qu'on cherche entre Occupation Bastille et Nuit Debout, il est de fait, tout comme ce mouvement est politique de fait. En fait, ce lien, il existe de fait dans le sens où c'est une recherche d'inventer une autre façon de faire. Comment ça vous transforme-vous ? Comment ça vous bouge-vous ? C'est surtout l'idée d'avoir du temps de réflexion et pas seulement des spectacles les uns après les autres. C'est de s'inscrire vraiment dans la vie, justement à l'extérieur, et pas seulement être en train de fabriquer des spectacles et montrer, refabriquer, montrer. C'est être vraiment inscrit dans le monde. C'était ça qui nous intéressait. Alors, on a justement pour relier, je pense que ce qui nous relie tous, c'est aussi la radio. On est en direct, enfin, on est en duplex avec le Théâtre de l'Odéon. Bonjour. Bon, alors. Donc vous êtes en direct à Radio Debout sur la place de la République avec Occupation Bastille. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe à l'Odéon ? Bonsoir à tous. Donc là, on est à l'Odéon. On écoute le théâtre, on a demandé une invitation jusqu'à au moins mardi pour pouvoir avoir un endroit pour travailler, pour nous âger, puisque les négociations d'assurance chômage sont en cours. Demain, il y a la dernière étape de la négociation de secteur pour les années 8 et 10, et qui à partir du 28, reprennent les négociations interprofessionnelles pour l'ensemble des chômeurs. Voilà, pour faire précis sur ces négociations, effectivement, il y a 800 millions d'euros d'économie du niveau des chômeurs que nous recevons et nous demandons qu'un vrai modèle de droits sociaux adapté à l'emploi discontinu couvre l'ensemble de l'intermittence de l'emploi. Vous avez beaucoup déjà. Salut Radio Debout, ça va ? Salut. Donc ici, on est à Radio Debout, mais on est aussi avec Occupation Bastille. Alors on est en train de relier un peu tout. Tout un tas de mouvements, en fait, aussi bien les mouvements à la Bastille qu'à l'Odéon qu'à la République. Ça se passe comment ? Vous avez besoin de monde ? Vous avez besoin de soutien à l'Odéon ? Alors à l'Odéon, d'abord, on est une cinquantaine qui sont à l'intérieur. À l'extérieur, il y a beaucoup de soutien. Il y a environ 50% qui sont en bas. Parle plus près du micro, pardon. Pardon. Alors, bonjour à tous. Dans le journée, vous racontez un petit peu comment ça se passe ici. On est une cinquantaine à l'intérieur. On aimera pouvoir obtenir un lieu pour continuer à travailler la lutte, travailler le nouveau modèle, de protection sociale qui est adapté à tous les ténors et tous les travailleurs en tant que juste fini. On va, il y a 150 personnes qui sont liées, qui nous soutiennent, les gens qui sont à l'intérieur en occupation. Et tout va bien, et a priori, je crois, mais demain soir, il y aura une AG ici, au cas de l'Odéon. Alors, pardon, attends. On va te rappeler. On va rappeler parce qu'on a un problème de communication, donc on retourne sur la place de la Bastille. C'est assez émouvant, en fait, d'être au cœur un peu de tout ça, c'est-à-dire d'être aussi bien sur la place de la République avec vous, avec votre projet artistique. Oui, je me disais que c'est très intéressant aussi la confusion que ça lance. On la vit depuis une semaine. Ah oui, je l'adore, parce qu'on dit qu'on est en occupation Bastille, presque en rigolant, et soudainement, moi, je suis arrivé à Paris il y a 2 semaines, et soudainement, je rigole plus, quoi. On ne dit pas avec... je ne suis pas à l'aise quand je dis qu'on est en train d'occuper la Bastille comme ça. Mais voilà. La Bastille, en plus. Mais je veux revendiquer pour l'artistique aussi le mot occupation. Nous, on a le droit de dire qu'on était invité avec en démarche de toute l'équipe de Théâtre La Bastille. On peut poser sur la table par Géraldine Chailloux qui travaille, qui a beaucoup discuté avec moi à propos de la question de occuper. Qu'est-ce que c'est occuper tranquillement, pacifiquement, pas en opposition au bâtiment, mais invité par le bâtiment, mais avec tous les problèmes d'envahir vraiment le bâtiment, avec des spectateurs qui sont là, avec il faut manger. Il faut y être pendant des heures et habiter. Les spectateurs peuvent entrer dans les bureaux où il y a l'administration, par exemple. On peut être partout. Alors, ça nous pose des questions vraiment d'occupation du bâtiment. Mais bien sûr, ce n'est pas l'occupation que je suis très intéressé à entendre qui se passe maintenant à l'Odéon. Et peut-être on est dans des conditions, pour rejoindre les gens à l'Odéon. Laurence, à toi. Voilà. Alors là, c'est bon, on a retrouvé la ligne. C'est bon, vous êtes là à l'Odéon ? Oui, on est là à l'Odéon. Ah ouais, c'est vachement mieux. Super, merci. Ah on va être là longtemps à l'Odéon. Alors là, vous êtes dans des bureaux, vous faites, vous avez trouvé une cuisine, vous avez trouvé de quoi manger, vous avez qu'on vous apporte des couvertures ? Bon, alors d'abord, on avait quand même prévu, et donc on a ramené avec nous de quoi manger pour ce soir, en tout cas. Et puis, vous pouvez, nous, on vous invite à venir nous rejoindre et à nous ramener à manger et à boire. Mais bon, je vais un peu vous expliquer ce qu'on fait ici. Ouais. En tout cas, là-haut, on est une cinquantaine, et alors à hauteur de la terrasse, et puis il y a des salles à l'intérieur, et on est quand même un petit peu au chaud, heureusement. Et on a aussi environ 150 personnes qui sont en bas et qui sont arrivées, qui sont venues soutenir. On espère bien et on vous appelle à venir soutenir parce que je pense que c'est le rapport de force qui fera aussi que l'occupation pourra perdurer. Ce qu'on a demandé, c'est à la fois de pouvoir tenir une AG demain ici au théâtre de l'Odéon, pouvoir également disposer de salles, de bureaux pour travailler au mouvement et à la lutte. Et vous êtes reçu comment ? Alors, bah plutôt pas trop mal, hein, pour le moment, pas trop mal, j'ai envie de vous dire ça. On a essayé de discuter, on a un petit peu expliqué ce qu'on venait faire, on a expliqué que demain, il y avait une journée importante de négociation qui concerne les intermittents du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, qu'on était mobilisés pour l'ensemble des salariés à l'emploi discontinu, qu'on avait fait des propositions avec des modèles qui pouvaient, fort de nos expériences à nous, couvrir tout l'ensemble des gens et qu'on demandait à ce que tous ces modèles proposés soient étudiés. Donc voilà, donc on espère bien que la journée de demain, mais les jours qui vont venir, la loi El Khomri, évidemment, qui s'inscrit aussi dans la structuration de la flexibilité et le merdier pour tous, on n'en veut pas. Mmh. Voilà, donc on est là pour toutes ces raisons-là et pouvoir travailler et trouver des lieux aussi de danse qui vont nous permettre aussi de continuer le mouvement. Est-ce que, merci déjà de cet état des lieux. Est-ce que, Thiago, toi, tu as des questions pour les occupants ? Oui, Je voudrais bien vous demander si vous avez des spectateurs avec vous, si vous invitez des spectateurs, pas seulement de l'Odéon, mais des spectateurs en général, à vous rejoindre. Tout à fait, c'est la première chose que je vous ai dite, hein. C'est en rigolant un peu et en disant si du monde peut venir rejoindre, évidemment que plus on sera nombreux et plus mieux ce sera. Mais simplement pour vous raconter un petit peu la genèse de cette action, quand on est entré, en fait c'était la fin du spectacle de Phèdre, et donc les spectateurs qui avaient vu la représentation sont sortis et nous étions sur le balcon et nous scandions chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, étudiants avec ou sans papier, solidarité. Donc tous les spectateurs ont pu d'abord nous voir et nous entendre contre la mobilisation contre la loi El Khomri également, enfin voilà. Et puis ils sont partis, d'autres sont arrivés là en bas, parmi lesquels je pense il y a des spectateurs, oui. D'accord, super. Oui. Dis-moi. Voilà, donc vraiment, et vous, sur la place de la République, dites-moi, vous êtes nombreux ? Alors, nous, là, à Radio Debout, on est assez nombreux, mais du côté de la place, c'est un petit peu clairsemé, c'est une petite AG, ce soir. On se pèle et on a froid aux pieds, on a froid aux mains, on a froid aux oreilles, enfin, nous, avec les casques, ça va, mais... Voilà, et on est avec. En fait, on est aussi avec Occupation Bastique, et donc une occupation artistique, hein, et donc la revendication du mot occupation du point de vue artistique, mais peut-être parce qu'on a oublié que l'artistique, c'était intimement politique, toujours. Tout à fait. Alors là, je peux vous raconter, on dirait ce qui se passe, hein, je vais parler doucement, parce qu'il y a l'administrateur du théâtre qui est là, et ça discute, parce qu'on continue à. Bonjour, on continue à essayer d'obtenir, si vous voulez, une salle ou des salles dans lesquelles nous pourrons travailler, continuer à décrypter un petit peu tous les textes et les accords qui se mettent en place. Et donc, on ne désespère pas de les convaincre. Je ne sais pas si on m'entend bien, mais voilà, c'est ce qui se passe là maintenant. Vous voyez, les choses se passent bien, puisque... il y a une annonce qui va être faite. Je suis désolée, je vais devoir vous quitter. D'accord, on se rappelle. D'accord, on se rappelle, on se rappelle. Tu nous tiens au courant de tout ce qui se passe. Ça marche. Voilà, parce qu'on va nous tenir au courant de la suite des événements, j'imagine. À tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Merci, merci beaucoup. Et donc, on retrouve notre Occupation Bastille. On retrouve l'Occupation Bastille. Et donc, justement, cette question du geste artistique, en fait, c'est toujours politique, un geste artistique. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, c'est l'ouverture. On n'est plus dans l'affirmation. C'est pour ça qu'ils ont commencé par les questions. Et on a eu plein de questions à poser à Thiago et à son équipe. Au départ, qu'est-ce qu'on fait là? Moi, j'étais là aussi pour voir une création. Qu'est-ce que nous, une matière brute, on allait donner dans la création? Mais c'est vrai que tous les gens qui sont là, c'est des gens qui aiment l'art. Et l'art, c'est avoir aucune certitude. Et je pense que c'est un lien qu'on a avec ces gens qui sont en place de la République. Ça a été une évidence pour vous de participer à l'occupation de Bastille? Vous avez vu ça, puis vous avez fait... Comment oui, ça s'est passé? Oui, parce que j'ai entendu sur France Culture le By Art de Rodriguez, et c'est vrai que c'est la résistance, la mémoire, mémoire de spectateur, c'est aussi le spectacle vivant qui peut s'éteindre à tout moment. Voilà. Et c'est peut-être la seule chose qu'on peut faire déjà, c'est des petits gestes. Chaque citoyen, c'est la mémoire. Très bien, très bien. Et Thiago, peut-être Tout à fait d'accord avec Ludovic, qui est là en tant que spectateur. Je pense que déjà, il y a quelque chose de terriblement politique. Terriblement, ça, c'est péjoratif, non? Non, pas forcément. Ça pourrait être positif. Terriblement politique, déjà, sur le choix dans théâtre qui nous invite à se rassembler autrement depuis le premier jour d'une création. Le problème politique se pose immédiatement, comme toujours au théâtre, parce que c'est une assemblée, quoi. Mais depuis le premier jour, de vivre l'assemblée, de ne pas cacher toute la préparation vers l'assemblée, mais dire on va préparer une assemblée artistique qui est toujours le théâtre, mais tous ensemble déjà, en assemblée, ça déjà m'a ouvert des portes de pensée artistique, mais aussi politique et intime, et amoureux, et émotionnel, et quoi que ce soit, et poétique, qui sont tous mélangés, et en plus mélangés avec aussi le politique, l'intime, le poétique, et tout ce qui se passe à Paris à présent, qui inspire beaucoup. Quoi. Quand on regarde, par exemple, l'occupation de l'Odéon, qui est en théâtre national, moi je dirige en théâtre national à Lisbonne, je vais déjà faire des appels pour savoir si les portes sont bien fermées aujourd'hui à Lisbonne. Je rigole, parce que demain c'est le 25 avril, le jour de la Révolution, c'est 42 ans de la Révolution des œillets. Alors demain, ça serait un bon jour pour occuper le Théâtre National à Lisbonne. Je dis ça juste comme ça, s'il y a parfois des comédiens portugais qui m'écoutent. Oh, il y a forcément Radio Debout au Portugal. Et alors vous, depuis l'intérieur du théâtre, ça vous transforme aussi Oui, bien sûr. Alors, c'est évidemment une expérience qui, comme le disait Irène tout à l'heure, nous déplace aussi dans notre façon de travailler. Et c'est évidemment ce que l'équipe, en tout cas, cherchait, parce qu'on s'est réunis avant d'accueillir Occupation Bastille, beaucoup. Et chez tout le monde, il y avait la volonté du déplacement. Et en effet, là, depuis que Thiago est arrivé avec son équipe et les spectateurs, on arrive vraiment à trouver un déplacement dans notre travail et aussi, du coup, dans notre façon de concevoir et dans notre façon de penser notre travail artistique au quotidien. C'est une occupation consentie, c'est vous ouvrez la voie au Théâtre de l'Odéon. C'est ça, non? C'est pour donner l'exemple au Théâtre de l'Odéon, c'est une occupation consentie, mais... Pour donner l'exemple au Théâtre de l'Odéon, là, la Bastille peut parler de ça, mais voilà, je pense que là, il faut faire attention à toutes les différences pour ne pas dire que nous sommes un mouvement politique d'opposition à quelque chose ou que répond politiquement à une réalité en France. En fait, on est ouvert à la pensée, à ces questions, et je reviens sur cette question. On pourrait l'être, même si on était en train de faire en Molière, de travailler de la façon la plus normale, on pourrait être là à Nuit Debout, on pourrait être préoccupé, et pas occupé nécessairement, mais préoccupé avec toutes ces questions. C'est pas nécessaire, il faut le dire, c'est pas nécessaire d'être engagé dans un travail qu'il y a cette dimension politique dans l'artistique pour être engagé avec le phénomène politique. Bien sûr. Oui, je voulais ajouter, moi je suis public qui participe à l'opération Occupation Bastille, et je voulais ajouter que je connais bien ce théâtre, je le fréquente régulièrement, mais c'était vraiment l'occasion d'une tentative que je trouve extrêmement touchante d'un lieu de culture, de s'ouvrir, de respirer avec la ville qui l'entoure. Et à titre d'anecdote, tout à l'heure je suis arrivée, je suivais dans la rue de la Roquette un vieux monsieur habillé en bleu qui marchait tout doucement, et je suis arrivée, on s'était donné rendez-vous à 20h, je suis rentrée dans le théâtre. Les portes donc étaient ouvertes, évidemment, et on se constituait pour savoir comment on allait faire pour venir à République, enfin, qu'est-ce qu'on faisait à République, etc. Et ce monsieur, avec son grand sac de tati, je l'ai retrouvé à l'intérieur du théâtre. Il était rentré, regardait ce qui se passait, et il est ressorti comme il était venu. Peut-être a-t-il parlé avec l'un ou l'autre, l'une ou l'autre d'ailleurs, peut-être aussi. Et il est reparti. Et j'ai trouvé ça, voilà, une marque que ce théâtre tente de s'ouvrir. L'opération est en cours, on ne sait pas encore ce que ça va donner, à quoi ça aboutit. Si... voilà, mais en tout cas, c'est un effort absolument notable et remarquable de respirer avec. Ça donne de l'air. Merci, Occupation Bastille. Merci beaucoup, Occupation Bastille. Et on va tout de suite retrouver le Bruitagène, une création radiophonique d'un groupe de Nantes. La fortune vient en dormant. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages. Je suis désolée, j'ai absolument pas du tout préparé mon inter. En plus, je suis très fatiguée, j'ai plein de choses à dire. Je sais pas si je vais réussir à les dire dans le bon ordre. En fait, je suis un petit peu saoulée parce que, enfin, le prenez pas mal du tout. Je trouve ça hyper cool ce qui se passe ici, tous les débats et tout. Mais par exemple, on en est encore toujours sur cette question des casseurs. Alors, je pense que beaucoup de gens ont compris depuis le début du mouvement qu'en fait, la casse, c'était un moyen d'action comme un autre. Oui, c'est un moyen d'action. C'est un mode d'action, c'est aussi un moyen d'expression de gens qui n'ont pas la parole. Je suis désolée, mais je suis vraiment pas méchante, mais je suis un peu sur les nerfs. Non, mais je vais tuer personne. Hein. Déjà, c'est un mode d'action, et puis j'ai pas l'impression qu'il y a une majorité de gens Black Beurre ou des quartiers populaires, en fait, ici, et qui on est, nous, pour dire à des gens qui ont une vie de merde, à qui on traite comme de la merde tous les jours, et à qui on promet aucun avenir, mais qui je suis, moi, pour leur dire que c'est des petits cons. Enfin, excusez-moi. Donc, déjà, il y a ça, juste parce que ça m'agace. Et puis, de deux, c'est un mode d'action. Là, le mouvement, ça fait un mois qu'il est lancé. Là, va falloir avancer. C'est les fondements de la société capitaliste, enfin, qui font qu'on peut que aboutir à ça, en fait. Je suis désolée. Faut avoir une vision réaliste. On dit on est utopiste. Enfin, je sais pas si je suis utopiste ou pas, mais faut regarder les choses de manière réaliste. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a que des gouvernements corrompus qui se succèdent depuis je sais pas combien de temps? Pourquoi il y a encore des gens qui croient que c'est en votant ou en demandant gentiment aux banquiers de rembourser l'argent qu'on va... Enfin, je sais pas si je suis claire, mais en fait... Deux choses, vraiment en point technique. Il y a la commission sémantique la semaine dernière ou il y a deux semaines qui a travaillé sur le mot casseur et qui a dit qu'il fallait qu'on arrête de l'employer. Si ça vous intéresse, il y a un compte rendu sur le site de Nuit Debout. On dit révolté, on ne dit plus casseur, parce que utiliser casseur, c'est faire donner raison aux médias. Et la deuxième chose, la semaine dernière, on a passé plusieurs soirées des commissions pendant des heures à débattre des casseurs. Et si on veut avancer, il faut qu'on arrête de se reposer avec une question la même que la semaine dernière et celle d'avant. On a été abouti à dire que chacun a ses moyens d'action et que simplement, il ne faut pas qu'on se désolidarise. On est tous victimes de répression. Et c'était pour ça qu'on était parti aussi sur le principe de tous récupérer les cartouches de lacrymo, de désencerclement, de flashball, etc. Et on a dit qu'on collectait tous un petit peu chacun ce qu'on trouvait et qu'on ferait un reversement devant la préfecture ou devant les keufs dans un mois. Voilà, c'était juste une histoire de rappeler. Il faut qu'on aille de là. Un ami viendra ce soir. Radio Debout à Nantes. Bonsoir, on est toujours là ce soir, Radio Debout, une radio éphémère et indépendante, une radio en direct de la place de la République à Paris, une radio au présent, une radio libre et une radio dominicale ce soir, une radio qui entre dans ton 20 mètres carrés, ta voiture, ton téléphone, ta vie, comme ça et bim. Et à présent, nous sommes avec l'Odéon. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, ici l'Odéon, oui, c'est encore bonsoir. Nous. Bonsoir. Alors, il y a des nouvelles. Alors bonsoir, quelles bonsoir. Sont les nouvelles, alors, sur Radio Debout? Les nouvelles de l'Odéon, c'est qu'on a, on a décidé de rester, donc on va rester, point. Voilà, on va rester la nuit. Bon, une nuit à l'Odéon, j'ai l'impression qu'il y a une partie des occupants de Occupation Bastille, la fiction, donc, qui viennent voir la réalité. Ouais. Vous les accueillerez, vous pourrez, comment ça se passe? On peut rentrer? Bah, en fait, le souci, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup de gens devant, il y a 200 personnes devant. Nous, on est 50 en haut, mais l'administrateur ne veut pas faire entrer les personnes qui sont devant. Donc, peut-être que cette demande, on peut peut-être changer la donne s'il y a plus de monde devant, donc on vous appelle à venir en masse pour essayer de renverser un peu le rapport de force sur cette question-là. Alors, pour ceux qui écoutent Radio Debout un peu plus loin de Paris, c'est quoi l'adresse du Théâtre de l'Odéon? Le Théâtre de l'Odéon... C'est quoi l'adresse exacte du Théâtre de l'Odéon? Ça doit être 1 Place de l'Odéon? C'est Place de l'Odéon, hein, c'est métro Odéon, c'est sur la 4. Voilà, sur la ligne 4. Alors, comment... vous avez pris des vivres, on en a parlé tout à l'heure, vous avez... Oui, il y a des bons sacs de vivres avec lesquels on est entré. Donc là, pour le repas de ce soir, en tout cas, ça va. D'accord. Après, pour le petit-déj de demain, ça peut être pas mal de ramener quelques trucs. Ok, on se tient au courant pendant le reste de la soirée. Nous, on est là jusqu'à à peu près minuit à la Place de la République, donc on vous rappellera. D'accord, super. Hein. Allez. Mais en tout cas, n'hésitez pas à faire passer le message qu'on a besoin de, soutien. Et notre idée, c'est de converger avec tous les autres lieux occupés en ce moment. Est-ce que vous avez des nouvelles de Jean Jaurès, du lycée Jean Jaurès? D'accord, ça marche. Oui. On n'en a pas, pardon. Vous n'en avez pas pour l'instant, d'accord. D'accord. Bon, en tout cas, on est solidaires avec toutes les occupations. Très bien, on sait qu'il y a une autre occupation, donc, mais on n'a pas plus d'informations que ça. D'accord. Alors, à bientôt, à tout à l'heure, hein. Ben, à tout à l'heure. Hein. Voilà. À tout à l'heure. Salut. Bonne soirée, merci. À tout à l'heure, le Théâtre de l'Odéon est sans transition toujours la Place de la République et la Place de la République ce soir où nous accueillons Seb. Bonsoir Seb. Bonsoir. Et Seb, tu fais partie d'un collectif, je ne sais pas si on peut dire collectif. C'est un collectif, oui, qui s'appelle La Parole Errante Demain. Alors La Parole Errante, déjà, c'est quoi à la base avant d'être demain? Qu'est-ce que c'est? Alors La Parole Errante, aujourd'hui, c'est un lieu à Croix-de-Chaveau, à Montreuil, du coup dans le 93. C'est un lieu qui appartient au Conseil Général du 93 et qui est prêté à Armand Gatti depuis une petite vingtaine d'années. Et Armand Gatti, pour faire très court, c'est un homme qui a maintenant 90 ans passé, qui a été auteur de théâtre, qui a eu un parcours à la fois culturel et politique assez vaste. Et donc le Conseil Général lui a laissé ce lieu depuis une petite vingtaine d'années. Et lieu dans lequel, au fur et à mesure du temps, s'est greffé tout un tas de petites autres réalités un peu dans les coins. Maintenant, il y a un café-librairie, il y a des ateliers de sérigraphie, il y avait une menuiserie, enfin, il y a toujours une menuiserie d'ailleurs. Il y a des gens qui font du théâtre, il y a des gens qui font du montage audio, du montage vidéo. Il y a tout un tas de choses qui se passent au-delà du travail de Gatti. C'est un lieu dans lequel il peut y avoir des événements, de quartier, des événements d'une association, des concerts de soutien, des répétitions de théâtre, des représentations. C'est un lieu assez vaste aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la parallèle errante ? Il y a visiblement un petit souci. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, il y a effectivement même un gros souci. C'est que le Conseil Général, le bail en fait qui lie le Conseil Général à la structure La Parole Errante, qui est une SCOP, ce bail arrive à échéance fin juin, là, dans trois mois. Et le Conseil Général ne souhaite pas reconduire le bail, et donc l'équipe actuelle de La Parole Errante, donc Armand Gatti, et puis un administrateur et quelques autres personnes, eux sont plutôt sur la fin de leur carrière, on va dire. Armand Gatti a plus de 90 ans, donc la question de que lui continue dans ce lieu se pose pas trop. Et le Conseil Général profite de ça pour vider les lieux, dégager tout le monde, y compris justement toutes ces petites réalités qui, au fur et à mesure des années, s'y sont installées. Voilà, en gros, situation. Donc l'idée du collectif de La Parole Errante demain, c'est de conserver ce lieu et de continuer justement à faire que ce soit un lieu artistique et social, finalement, parce que c'est très important pour La Parole Errante aujourd'hui d'être encore là dans la place et d'exister. Oui, alors disons que pour nous, du coup, on est à la base un collectif plutôt d'usagers du lieu à divers titres, des gens qui y sont quasiment quotidiennement, des gens qui viennent de temps en temps organiser des choses. On est une petite quinzaine, et puis là, ces derniers temps, ça a un peu grossi parce qu'on fait à la fois appel à de plus en plus de monde, et puis on a envie que ça prenne un peu de l'ampleur. Nous, on a écrit un projet au printemps dernier, qu'on a déposé au Conseil Général, en anticipant un peu du coup cette fin de bail, en disant au Conseil Général, voilà, vous le savez peut-être pas ou vous voulez pas le savoir, mais au-delà de Gatti, il se passe tout un tas de trucs à La Parole Errante. Toutes ces choses-là, elles peuvent pas disparaître comme ça avec votre bon vouloir, et il faut en tenir compte, quoi. Du coup, on a pris la décision d'être au début, on va dire, assez conventionnel. On a écrit un projet, qui explique à la fois qui on est et à la fois qu'est-ce qui nous paraît pertinent dans ce lieu, dans cette ouverture, dans cette hétérogénéité, et pourquoi ça nous semble très important que ça perdure au-delà de Gatti. Et alors, est-ce que tu peux nous, pour ceux qui ne connaîtraient pas le lieu, nous dire un peu ce lieu, en quoi il est puissant, de quoi il est constitué, qu'est-ce qui fait sa force depuis toutes ces années, et pourquoi un lieu comme ça, s'il meurt, c'est beaucoup de choses qui partent aussi derrière. C'est un lieu qui a comme principale fonction, on va dire, aujourd'hui, d'être un lieu d'accueil. Inconditionnel, c'est toujours un peu abusif, mais c'est un peu vers ça que ça tend, quoi. C'est un lieu où ni l'argent, ni la reconnaissance publique préalable sont des barrières à l'utilisation de ce lieu. C'est un lieu qui accueille vraiment tout et n'importe quoi, vraiment au sens bon comme au sens mauvais du terme. Il y a vraiment des choses très très variées qui s'y passent. C'est un lieu qui permet à d'autres lieux de faire des soirées de soutien, par exemple pour ramasser des sous, ou à des collectifs contre les violences policières. Il y a des compagnies de théâtre, qu'elles soient connues ou pas du tout, naissantes ou vieilles, qui viennent y répéter, y présenter des spectacles. Il y a des projections de films, de documentaires. C'est un lieu aussi qui a une grande capacité de réaction à l'urgence. On l'a vu notamment suite à la mort de Rémi Fraisse, quand il a été tué par la police. La semaine d'après, il y avait une AG avec 400 personnes à La Parole Errante. On a réussi à avoir le lieu. Enfin, il y a une fluidité comme ça qui permet à la fois l'accueil et à la fois cette réaction à l'urgence. C'est un peu les deux points que nous, on a vraiment travaillé dans le dossier, quoi. Cette question de l'ouverture, de l'accueil. Et du coup, pour le coup, nous, ce qu'on apporte, c'est aussi du fonctionnement collectif, vu que là, aujourd'hui, c'est pas le cas, il y a un administrateur et tout ça. Et aussi, vraiment, cette question de l'espace, disons, laissé libre, laissé disponible pour être réagir à une urgence, à une nécessité. Un autre exemple, c'est par exemple, à un moment donné, il y a, pendant un mois et demi, il y a une trentaine de Roms qui étaient expulsés d'une friche à côté du palais des congrès de Montreuil, qui ont été accueillis à La Parole Errante pendant un mois et demi, il y a quelques années. C'est aussi ce genre de choses qui se passent à La Parole Errante, quoi. C'est pas que des spectacles ou des choses comme ça. Et puis, de toute façon, c'est toujours aussi des spectacles engagés, c'est toujours des spectacles qui questionnent l'endroit de la lutte. C'est toujours le dernier spectacle en date dont je me souviens, c'est celui d'Armand Gatti, si on considère Armand Gatti, c'était celui sur Rosa Luxembourg, c'est ça ? Ça, c'était il y a quelques années déjà. Oui, il y a quelques années, et du coup, il y a toujours ce travail aussi avec des amateurs, avec des gens qui viennent à La Parole Errante pour participer justement et au questionnement artistique et au lieu en lui-même. Ouais, voilà, il y a toujours un panachage entre les deux, entre amateurs et professionnels. Et oui, à la fois, enfin, la question du coup de professionnel ou amateur, elle essaye d'être cassée en fait, dégagée quoi, et de plus poser les manières de fabriquer les objets ensemble selon ces rapports-là quoi. Et ça c'est très important en fait. Ça aussi. C'est vraiment le travail de Gatti pour le coup, ouais. qui continue à être porté dans le futur par un collectif de gens qui continuent à mettre en scène des textes de Gatti aujourd'hui, qui s'appelle le collectif des metteurs en scène d'Armand Gatti, qui fait partie du collectif La Parole est Rente Demain, parce que eux aussi ils trouvent que le lieu dans sa globalité donne aussi du sens aux expériences théâtrales autour des textes d'Armand Gatti quoi. Que du coup c'est pas dans un lieu complètement déconnecté de tout, il se passe des tas de choses. Tout cet été on était en train de travailler des pièces avec des gens très différents autour des Gatti et il se passait des choses, il y avait les migrants à la chapelle, machin, on partait des fois, on arrêtait de bosser, enfin c'était aussi ça qui est riche quoi. Ce croisement. Ça circule en fait comme ici finalement, comme à la nuit debout. Quel est ton point de vue toi pour finir sur, comment est-ce que du coup tu perçois ça toi intimement et vis-à-vis du collectif aussi de La Parole est Rente Demain, est-ce qu'il y a possibilité d'intégrer ce mouvement de Nuit Debout, comment est-ce que tu vois ça toi? Alors à titre individuel, il y a beaucoup de gens qui sont dans le collectif La Parole est Rente Demain qui sont ici à République, qui font partie d'autres collectifs, qui font partie d'autres lieux et qui sont là. Voilà, on a diffusé aussi un tract parce que du coup, pour mobiliser aussi contre cette fermeture, on organise le 7 mai sur la place de la mairie de Montreuil un banquet. Donc à partir de 13h le 7 mai à mairie de Montreuil sur la place avec dans l'après-midi des activités, un peu des ateliers et puis des tables, il y aura sûrement une table de presse, un faux kiosque et puis un banquet le soir, des concerts de chorale, des concerts de fanfare, sûrement des projections de films et quelque part aussi cette idée là on a commencé à travailler sur cet événement au courant du mois de mars, donc avant que Nuit Debout s'installe à la République. Mais c'est vrai que tout de suite, quand il y a eu cette occupation, ça a fait écho assez directement, quoi, aussi de la prise de l'espace public pour y défendre d'autres choses, pour y proposer d'autres perspectives que là, en tout cas sur La Parole errante, celle qu'on essaie de nous imposer, quoi. D'accord. Et alors, sur ce même principe-là, comme la parole circule, on reçoit à présent Jonathan. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir. Et Jonathan, toi, tu fais partie, de l'association Les Lucioles du Doc. Voilà. Absolument. Dont il y a un film qui est projeté là ce soir sur la place de la République, c'est ça? Absolument. On a co-organisé avec le comité animation la projection du film documentaire Une jeunesse allemande, qui est réalisé par Jean-Gabriel Perriot, qui est sorti en salle en octobre dernier. D'accord. Et justement, l'idée, c'était de tout le monde proposer un documentaire pour clore cette journée thématique autour de la question de la violence. Parce que c'est un film qui est uniquement constitué d'archives, d'images et de sons. Donc il n'y a pas de voix off, c'est vraiment qu'un travail de recherche d'archives et de montage qui a été réalisé par ce réalisateur. Et il a essayé de montrer comment un groupe d'étudiants et de journalistes très engagés donc dans les années 60-70 en Allemagne a démarré une lutte par des gestes artistiques, par la réalisation de films en particulier, donc comment l'image justement pouvait être un outil de la lutte, un outil de la révolution, et comment petit à petit, voyant l'échec de l'impact de leurs images, ils ont décidé d'entrer dans une action violente. D'accord. Et donc c'est un film... La bande à Bader. Exactement, c'est la bande à Bader et à Meinhof aussi, ouais. Qui est un des personnages centrales du film, beaucoup plus que Bader d'ailleurs, qu'on voit assez peu. Donc en fait, ça n'est que des images d'archives, c'est ça? Qui sont montées sur quel processus? Comment ça se passe? La spécificité de Jean-Gabriel Perriot, donc là c'est son premier long métrage, mais il avait déjà réalisé une bonne quinzaine de courts métrages auparavant. Et ça a toujours été de travailler à partir d'une matière d'archives. Donc il a jamais filmé aucune image. Et lui, il se réapproprie tout ce matériel-là pour recréer une narration. Et pour le coup, il fait ça avec un talent assez surprenant. Et c'est vrai que c'est un film qui a remporté beaucoup de succès. Et donc il a divisé son film en deux parties. Donc la première partie, c'est vraiment recontextualiser un petit peu la période de l'après-guerre et comment justement la jeunesse allemande rejetait ses pères et justement rejetait leur collaboration avec le régime nazi. Et justement, comment bah, eux, ils ont voulu s'émanciper de ça, s'émanciper de leurs parents, s'émanciper de leurs professeurs à l'université, donc avec des mouvements de grève, de lutte assez, assez forts. Et donc ça, c'est la première partie. Ils montrent comment cette jeunesse se met un petit peu en action et donc, comme je disais tout à l'heure, utilise l'image comme outil principal. Et dans la seconde partie, là, on est, voilà, on est au moment où ils sont rentrés dans la lutte violente, où ils vont faire des attentats, où ils vont kidnapper un certain nombre de personnes assez importantes. Donc, je crois qu'il y a le responsable d'un syndicat de patrons qui est kidnappé. Et on voit à ce moment-là, l'image n'est plus utilisée par la bande Abadère comme outil, mais à l'inverse, c'est l'État qui va utiliser, grâce aux nouvelles technologies des médias de l'époque, qui sont en capacité notamment de faire du live, alors que quelques années auparavant, ils ne pouvaient pas le faire, de justement mettre en scène la chasse à l'homme en fait, de toute cette bande-là, toute intervention policière, toute arrestation est mise en scène en direct, et ce qui fait qu'il y a une espèce de matraquage, comme ça, où l'image est réappropriée de l'autre côté. C'est-à-dire que l'image est réappropriée par les autorités et qui vont profiter justement de la violence de la bande Abadère pour faire passer un certain nombre de lois liberticides qui vont pas forcément poser beaucoup de problèmes à une partie du peuple allemand, et notamment parce qu'il y avait un certain nombre de civils qui ont été victimes de leurs actions. Ben, justement, je propose qu'on écoute un petit extrait du film, là, sur la place de la République. Für Berlin dürfen wir damit rechnen, dass auf etwas längere Sicht gesehen von den Absolventen der Akademie künstlerische und organisatorische Impulse in Kinofilm und Fernsehen ausgehen werden. Nur 35 von 825 Bewerbern wurden für das am Montag beginnende Studienjahr zugelassen. Holger Mainz, geboren 1941, Student der Kunsthochschule Hamburg, Kameraassistent in München, Student der Filmhochschule Berlin. Die Gründung der DFFB im Jahre 1966 erfolgte auf dem Höhepunkt der bundesdeutschen Filmkrise. Die Filmwirtschaft suchte ihr zuletzt dadurch abzuhelfen, dass sie Ökonomie und Kunst zu versöhnen trachtete. Ein Filmbauhaus sollte den Output anpassungswilliger Film- und Fernsehfachidioten liefern, die dem Apparat der Bewusstseinsindustrie neue Impulse geben sollten. Statt sich der hohen Stipendien würdig zu erweisen, betätigten sich die begabtesten Studenten als rebellische Linke. Aber es heißt schön, das ist, Sie wissen genau, was los ist. Bei uns kriegen Sie Essen, woanders gibt es das noch nicht mal. Ja. Alles klar, wir gehen zum Pförtner. Entschuldigen Sie sich dort und bitte stellt noch mal was aus. Das wird man merken. Nein, nicht merken, sondern ausführen müssen Sie das. Sollte nicht mehr vorkommen. Ist gut. Ist klar. Jawohl. Sie sind lange genug bei uns, Sie kennen das. Sie Jawohl. Wissen, dass hier Alkohol hier reingeschmuggelt wird. Ja. Oder wollen wir erst wieder ein Theater haben, das euch nee, wieder nee, ins Schlaf nee. Und das Mobiliar kaputt haut? Alors, nous sommes toujours place de la République. Voilà, donc on voulait vous donner quelques informations du lycée Jean Jaurès. On a un jeune homme qui est venu nous rejoindre et qui, voilà, vous nous donner quelques infos. Bonjour. Donc, voilà, je suis passé au lycée Jean Jaurès hier soir. J'avais vu l'info dans les médias et je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de les aider. Ça fait un bout de temps qu'on entend parler. Et c'est vrai qu'il... Oh, il y en a peu qui se mouillent, donc aider les migrants. Donc voilà, donc au lycée Jean Jaurès, qui est désaffecté, je ne sais pas depuis combien de temps. Donc c'est assez grand, enfin c'est même énorme. Je ne pourrais pas donner une évaluation, je ne sais pas, peut-être 2000 m2. Enfin c'est deux bâtiments énormes, une cour, un autre bâtiment un peu sur le côté, des grandes salles. Et donc pour l'instant, bah, c'est tout neuf. Ils sont là depuis 3 jours, donc ils essayent de s'organiser. Et voilà. Bah donc là, il y a juste 200 personnes qui sont rentrées, enfin qui sont à l'intérieur, et ils n'en font pas rentrer des nouveaux. Là, ils essayent que ça s'organise bien pour ces 200-là, parce que pour qu'il y ait des bonnes conditions d'hygiène, qu'il y ait des bonnes. Que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de violence, pas de drogue, pas d'alcool. Le règlement est simple. Quoi d'autre ? Donc là, ils ont encore besoin de beaucoup de fournitures. Si vous pouvez aider, ils ont besoin de couvertures, de matelas. Ça, c'est le plus important pour dormir. Ils ont besoin d'hygiène. Donc, en hygiène, ils ont besoin de savon, de shampoing, de brosse à dents, de serviettes de toilette, de dentifrice. Et ils ont aussi besoin de produits ménagers pour nettoyer le sol. Là, il y a une cantine énorme, un réfectoire, c'est parfait. Il y a de quoi faire à la nourriture pour les 200 personnes. Ils font des grosses tambouilles, tant mieux. C'est quoi l'adresse ? Voilà. Où est-ce qu'on peut amener tout ça ? Donc vous pouvez amener tout ça, je crois que c'est au 17 avenue Simon Bolivar. Donc le lycée ? Le lycée Jean Jaurès. Donc, dans voilà, le 19e arrondissement. Dans le 19e Paris. Arrondissement, voilà, juste à côté des buts de Chaumont. Donc l'entrée normalement principale du lycée, elle est répertoriée rue Clavel, 7 rue Clavel, mais cette entrée a été condamnée. Ils ont condamné toutes les sorties de secours pour qu'il n'y ait qu'un seul accès. Donc c'est vrai qu'après, bon, il faudra peut-être pour des mesures de sécurité rétablir peut-être une sortie de secours, mais pour l'instant, non, ils ne voulaient pas qu'il y ait des migrants qui arrivent de tout part, parce que c'est un lieu qui est bien pour eux, ça s'organise bien. Aujourd'hui, il y avait plusieurs collectifs qui essayaient de trouver des solutions pour eux, pour penser à plus tard. Quoi d'autre ? Bah voilà, c'est tout. Je crois que pour nous, ça va, voilà, et pour les, tous donc, les auditeurs. Donc moi, je fais partie d'aucune association, je fais partie d'aucun mouvement. Je me suis juste dit, voilà, tout seul, je vais les aider. Donc je suis allé tout seul hier soir. J'étais devant la porte, il y avait une quinzaine de migrants qui ne pouvaient pas rentrer. Et moi, je discutais un peu avec les gens derrière la porte, comment ça se passe. Moi, j'aimerais bien un peu voir de quoi vous avez besoin. J'aimerais bien vous aider, j'aimerais bien faire une liste de courses et venir vous voir. Donc bah, c'est un peu ce que j'ai fait. Je suis rentré, j'ai fait ma liste de courses. J'en parle à mes amis, à mon cercle proche. Je leur ai dit, voilà, je ne suis pas une association, vous me connaissez, c'est pour moi. Ils m'ont fait des dons financiers et je suis allé faire mes courses et je leur amène des choses non-stop et je vais y retourner tous les jours. Voilà. Merci. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, on soutient, on est là, il faut qu'on soit là, on est toujours là. Toujours sur la place de la République, toujours avec Seb qui fait partie de la parole errante demain et avec Jonathan des Lucioles du Doc. Je voulais. Il y a eu un extrait qui a été passé tout à l'heure du film qui est présenté ce soir sur la place de la République. Est-ce que tu peux nous en dire rapidement, Jonathan, deux mots avant de nous dire qu'est-ce qui anime en fait les Lucioles du Doc et pourquoi ? Est-ce que vous faites tout ça ? Ok. L'extrait qu'on a vu rapidement, c'était sur le moment où donc, des étudiants en cinéma, donc, qui se sont inscrits à la fac voilà, pour faire leurs études, se réapproprient justement cet outil-là, donc sans évidemment l'aval des profs, de l'université, etc., donc de manière vraiment indépendante, et comment justement ils se réapproprient l'outil cinématographique pour justement commencer à dénoncer un certain nombre de choses et voilà, comme je disais tout à l'heure, utiliser l'image comme outil de la lutte. Pour ce qui est donc des Lucioles du Doc. Ouais, qu'est-ce que c'est les Lucioles du Doc ? Tu me disais que le but c'est de faire des projections documentaires partout, en fait, finalement, et que le cinéma soit un outil de réappropriation du politique. Est-ce que je me trompe ? Absolument. Non, tu ne te trompes pas. C'est à peu près ça. Pour entrer dans le détail, donc c'est une jeune association qui existe depuis un petit peu moins de 2 ans et donc nous en fait on est plusieurs à avoir une implication que ce soit dans la production, la diffusion du cinéma documentaire et on a tous été assez vite habités par la frustration de la petite durée de vie du cinéma documentaire et du fait qu'il avait une formidable capacité à créer des espaces d'échange, de réflexion et justement de réappropriation du politique, mais que les principaux circuits de diffusion du cinéma documentaire n'allaient pas du tout dans ce sens-là. Et finalement qui sont les seuls circuits qui permettent de gagner un petit peu de sous, hein, donc la télévision, la sortie en salle, quelques festivals parfois, mais c'est quand même assez compliqué. Et donc nous justement, on s'est plutôt que d'être dans une posture comme un festival lambda, d'attendre que le public vienne se réunir dans la salle autour d'un film, mais généralement ce sera un public quand même blanc, classe moyenne, très cultivé, etc. Ben nous justement on fait une démarche inverse, c'est-à-dire qu'on veut aller partout, comme tu disais tout à l'heure. Donc on va aller se déplacer dans des collèges, dans des lycées, dans des cafés associatifs, sur des places publiques comme ce soir, dans des centres culturels, en milieu carcéral également. Et l'idée, c'est qu'on essaie de travailler vraiment sur le temps long. On n'est pas dans des projections ponctuelles. On veut vraiment travailler toute l'année et puis si possible sur plusieurs années. Mais là, comme je disais, on est très jeune, donc on parle vraiment que sur moins de 2 ans. Et avec vraiment cette idée d'impliquer les publics dans la forme que va prendre notre action, dans les choix de programmation aussi, parce qu'on veut aussi répondre aux questionnements qu'eux peuvent avoir par rapport à comment fonctionne et comment dysfonctionne notre société. Et donc voilà, notre matière principale, notre base, C'est le cinéma documentaire. Et donc ça peut être soit des projections, ça peut être aussi des ateliers de réalisation. Donc par exemple, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, on encadre un groupe de détenus qui sont en train de réaliser un documentaire sur le conformisme médiatique. Et donc nous, voilà, on les aide pour faire venir des intervenants, pour faire venir des images. Et puis après, une fois qu'il sera terminé, pour le faire vivre, pour le diffuser. J'espère, s'il y a encore une nuit debout dans quelques mois, qu'on pourra diffuser ce court-métrage sur le conformisme médiatique. Mais voilà, on n'a pas encore terminé. On espère aussi. On vous suit de près, Jonathan. Pareil pour toi, Seb, et pour le collectif de La Parole Errante Demain. Et maintenant, nous allons, sans transition, écouter Bruitagène, un docu de création qui nous vient de Nantes. La fortune vient en dormant. Veuillez d'abord écouter quelques messages personnels. Et je voudrais vous poser un certain nombre de questions. Voilà, c'est la poésie à coups de marteau. Est-ce qu'on va discuter encore longtemps ? Est-ce qu'on peut réfléchir ? Est-ce qu'on est en position de réfléchir ? Est-ce que la lutte est compatible avec l'absence de risque ? Est-ce qu'il faut espérer des morts pour que les choses bougent vraiment ? Est-ce que c'est mal d'espérer des morts ? Est-ce que la lutte sociale est compatible avec le fait de s'attaquer physiquement à des biens, voire à des êtres humains ? Est-ce que certains sont plus coupables que d'autres ? Est-ce que les CRS soutiennent les partis de l'ordre ? Est-ce que les CRS pleurent le soir en rentrant chez eux ? Est-ce que c'est bien utile de discuter quand on a en face de nous des gens qui, pour le maintien de l'ordre, frappent ? Est-ce qu'il faut aider le monde à s'écrouler plus vite ? Est-ce que j'ai envie de me battre aux côtés de types qui crient aux policiers que ce sont des PD ? Est-ce que j'ai envie de laisser ce système nous faire nous manger du dedans pour toujours ? Est-ce que j'ai peur ? Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que Alexandre de Juniac, PDG d'Air France, a la belle vie ? Est-ce que Bernard Arnault a la belle vie ? Est-ce que le patron de L'Oréal en 2016, c'est comme SS en 1945 ? Est-ce que parce qu'on ne les voit pas, les victimes n'existent pas ? Est-ce que quelqu'un qui passe sa vie à travailler pour acheter des objets inutiles est considéré comme une victime ? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir un libre arbitre ? Est-ce que j'ai un libre arbitre ? Est-ce qu'il n'y a que deux choix entre ne pas se poser de questions et s'en poser à longueur de temps ? Est-ce que si on s'y mettait tous ensemble, on ne serait pas un peu moins chacun de notre côté ? Mais comment on fait ? Est-ce que se battre contre des CRS, c'est pas la seule chose que partagent certains de leur âge qui vivent dans des cités ? Est-ce que se sentir vivre en dansant au milieu des lacrymogènes, c'est vraiment un bon début ? Est-ce qu'il y a un minuscule espoir que parler soit utile ? Est-ce qu'il y a un minuscule espoir que réfléchir ensemble soit efficace ? Mais comment on fait ? Est-ce qu'un CRS s'est déjà retrouvé face à son fils dans une manifestation ? Est-ce que un CRS qui tape sur ceux dont provient son salaire peut être accusé de rébellion contre sa hiérarchie ? Est-ce que la hiérarchie, c'est bien la pointe vers le haut ? Est-ce qu'on ne voit pas que tout ce socle qui les soutient, c'est peut-être un socle en terre d'argile ? Est-ce que sans nous, il ne serait rien ? Est-ce qu'on le sait, mais qu'on ne veut pas se l'avouer, parce qu'on n'a pas le courage de se révolter ? Est-ce que le chauffage en hiver, les terrasses en été, ça vaut le coup ? Est-ce qu'on se tient à carreau pour une bière et 3 degrés de plus ? Est-ce que ça vaudrait le coup d'être en sécurité toute sa vie si on n'a pas le temps d'en profiter ? Est-ce que ça vaut le coup, le travail salarié ? Est-ce que la machine se sent en sécurité ? Est-ce qu'on va continuer longtemps à espérer que les gens travaillent alors qu'on les licencie ? Est-ce que les robots auront des couilles avant de s'énerver vraiment ? Est-ce qu'un robot, ça craint les lacrymos ? Est-ce que dans les manifs, les robots prendront de l'anti-rouille au cas où ils sortent des canons à eau ? Est-ce que Bernard Arnault est un être humain ? Est-ce que parfois Bernard Arnault rit sans raison alors qu'il est tout seul, juste parce qu'il repense à un souvenir heureux ? Est-ce que parfois Bernard Arnault sourit sans penser à de l'argent ? Est-ce que Bernard Arnault a peur de la mort ? Est-ce qu'il rentre parfois le soir en se disant que ça a été une belle journée? Est-ce qu'il tiendra le coup si on l'enferme 12 heures dans un caisson d'isolement? Est-ce que Bernard Arnault est heureux? Est-ce que la joie a un prix? Est-ce qu'on pourra acheter bientôt des crédits de bonheur discount? Est-ce qu'il y aura des packs promo, un joint, une série télé, un demi de bière, un mois de chauffage? Est-ce que c'est pas un peu prétentieux de croire savoir ce que c'est qu'être heureux? Est-ce que Bernard Arnault va bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que lutter, c'est vivre? Est-ce qu'on peut lutter et être totalement heureux? Quand est-ce qu'on réfléchit collectivement pour passer à l'action? Merci. Marie-Thérèse à Marie-Louise, un ami viendra ce soir. Radio Debout à Nantes. À Nantes. Bonsoir, il est 22h27 et vous êtes sur Radio Debout en direct de la place de la République et vous venez d'entendre un bruitagène qui nous a été envoyé par le collectif de Nantes et on les remercie mille fois, d'une part parce qu'ils nous envoient des magnifiques sons et d'autre part parce que ce son-là en particulier, pour vous auditeurs attentifs, entre en résonance absolue avec la performance de Thiago Rodriguez que vous avez entendu il y a une bonne demi-heure. Voilà, alors merci au bruitagène, merci à tous ceux qui nous envoient des sons et continuent à nous envoyer des PAD, on en a besoin, on a besoin de vous. La radio est faite de toutes ces voix qui se mélangent et qui discutent ensemble, comme sur la place de la République, où on revient tout de suite. Radio Debout, Radio Debout, Radio Debout, Radio Debout. Radio Debout, l'homme debout, la femme debout, tout le monde debout, jamais couché. Radio Debout, toujours là. Alors maintenant, nous sommes avec Thibaut Croisy. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Et avec Nicolas Flèche qui nous continuera à nous dire son texte Technicien de sinistre dans un petit moment. Bonsoir. Maintenant à toi Thibaut. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Clémence. Alors Thibaut, tu es metteur en scène? Oui, mais pas je que. Confirme. Tu confirmes, oui. Mais pas que. Je confirme aussi. Tu écris aussi des articles? Oui. Et dont un article... Je viens prendre des nouvelles de moi. C'est bien. Dis-nous, non, vas-y. Qui es-tu? Non, je préfère que tu le fasses, parce que c'est l'horreur de dire ça. C'est trop vaste, tu es multiple et à la fois, enfin voilà. Non mais vas-y, je te laisse... Bon, alors j'ai vu que tu as écrit deux articles qui m'ont beaucoup intéressée. Un qui s'appelle « Non au cumul des mandats ». Oui. Et un second qui s'appelle « Le conservatisme du théâtre public freine l'émergence de nouveaux talents ». Donc, je me demandais où, dans lequel tu parles de théâtre à deux vitesses. Et je voulais te demander qu'en est-il aujourd'hui et qu'est-ce que tu penses avec tout ce mouvement de Nuit Debout? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui se produit de nouveau ou pas du tout? Comment ça se passe pour toi? Non, pas du tout, non. Je sais pas, là, c'était des articles que j'avais écrits il y a quelque temps. Le plus récent, c'est celui que tu as mentionné. Le conservatisme du théâtre public freine l'émergence de nouveaux talents. En fait, c'est pas moi qui choisis les titres, parce qu'au Monde, comme dans tous les journaux, il y a des gens qui choisissent les titres pour toi. Mais ça, c'est terrible. C'est terrible, c'est des journalistes, donc en même temps, ils choisissent les titres pour que les gens lisent l'article, parce que parfois Mais toi, t'es d'accord avec ces titres? Tu n'as pas vraiment le choix, en fait. Mais je pense qu'à la radio, il y a des choses un peu similaires aussi. Mais celui-là était pas mal trouvé parce que finalement il résumait bien la position, tu vois, en une phrase très courte. Et donc c'est vrai que cet article, donc je l'ai pas relu, c'était il y a un an au mois de juillet 2015. Il l'avait sorti. Non mais ils sont assez forts parce que c'était à l'époque où il y avait les assises de la jeune création. Quand Fleur Pellerin était ministre, elle avait lancé ces assises-là qui étaient censées. Ils avaient fait ça d'abord avec les femmes, un peu comme la gauche essaye de faire un peu des trucs. Ils avaient fait ça avec les femmes en disant que qu'il fallait un peu étudier. C'est vrai qu'il y a très peu de femmes à des postes de direction dans le spectacle et tout. Donc ils avaient fait ils avaient publié des chiffres. On peut dire que c'est pas intéressant, mais en fait quand tu publies des chiffres, c'est déjà une ressource finalement parce que ouais. On s'aperçoit que c'est vraiment ridicule parfois la proportion de femmes. Bon, et après ils ont fait ça avec les jeunes, voilà. Et donc les assises de la jeune création, elles ont été menées sur le premier semestre 2015. 1975. Il y avait un chargé de mission qui s'appelle David Sanson, que certains connaissent peut-être, qui a travaillé à Mouvement, qui s'en occupait. Et les Assises de la Jeune Création ont fait leur compte rendu au mois de juin 2015. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai écrit cet article. Et Le Monde, qui est assez malin, l'avait gardé. Moi, je voulais qu'il paraisse juste le jour de la fin des Assises de la Jeune Création, du compte rendu. Et Le Monde l'a un peu gardé et l'a sorti au moment du Festival d'Avignon, où les gens s'intéressent un peu au théâtre, enfin, je veux dire, l'opinion publique. Et voilà, et dans cet article de mémoire, parce que finalement, les choses n'ont pas changé, donc mon avis n'a pas changé et ce que je raconte n'a pas trop changé, j'expliquais, comment le dire de manière simple, que le théâtre public, donc le réseau du théâtre public, et là je parlais notamment des théâtres nationaux et des centres dramatiques nationaux, on peut aussi parler des centres chorégraphiques nationaux, puisque finalement on parle du spectacle vivant en général, avait, on va dire, parfois la fâcheuse habitude de montrer un peu toujours la même chose. C'est pas très très lumineux, hein, c'est pas très nouveau ce que je raconte, mais disons que voilà, il y a des maîtres, parce que c'est comme ça que le théâtre public les appelle, des maîtres de la scène contemporaine, qu'on se refile un peu, et ça prend, comment dire, de la place aussi. Et je trouve que, effectivement, ça fonctionne un peu à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là un peu... Enfin, c'est un peu le patrimoine, quoi, en fait. C'est des gens voilà, qui sont là depuis très longtemps, qui ont parfois eux-mêmes été directeurs de théâtre. Et puis donc, c'est des gens voilà, qui sont assez... Les artistes, en tout cas, qui sont assez présents, voire un peu... surprésents, je ne sais pas comment le dire. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qu'on ghettoise dans des festivals, donc dans des festivals de femmes, des festivals de jeunes, des festivals des cultures d'Afrique, vous voyez, pour pas dire des festivals de noirs. Donc voilà, ça fonctionne un peu comme ça, et du coup, ça produit de grosses crispations quand même, ouais. Hein, parce qu'il y a des gens voilà, qui se sentent un peu marginalisés, on va dire en termes de visibilité, en termes aussi économiques, hein. Et ça produit aussi une forme de précarité. Donc le théâtre vivant, le spectacle vivant, le théâtre public a un peu du mal, je crois, à rééquilibrer les choses. C'était ça un peu le contenu de cet article. Mais si tu l'as lu, peut-être que tu t'en souviens mieux que moi, finalement. Non, mais ça, c'est sûr. Je ne sais plus. Je n'ai plus trop de vie. Je ne sais plus ce dont je me souviens. Vous êtes occupé ici. Mais je passe la parole à Lise-Marie. On revient vers toi tout de suite, Thibaut. Ouais. J'ai d'autres questions. Ouais. Oui, alors juste sans transition, les assises donc sont assis. C'est vrai que nous sommes ici debout et donc nous voulions donc continuer avec Nicolas Flèche, telle une flèche. Tu vas continuer le texte Technicien de Sinistre que tu connais par cœur, c'est formidable. À toi, Nicolas. Dehors, le froid brûla mon œil. La rue Affre était déserte. Je tournais au coin, après le boui-boui sous l'enseigne duquel pendouillaient en brochette des pigeons à tout le moins que djattes. Leurs griffes en place des cils, sinon leur bec, ils trémoussaient là-dessous trois plumes fichées dans le sac de leur peau bistre, avec dedans leurs os en mikado. En conséquence, ils volaient comme des parapluies, ces connards. Qu'un truc qui gazait parfaitement dans ces rocards, leur boyauterie. Je les avais surpris à becquer la batterie de la Sim Camille qui s'évaporait sur trois parpaings depuis l'hiver précédent. C'est dire comment les guano de ces moignons toupilleurs eussent mis vos os à l'air. D'ailleurs, le trottoir sous leur guirlande de fion était tellement bouffé qu'on avait vu sur la tuyauterie albronnée de Barbès. Un nœud derni dans le clapotage d'une drôle de sauce. Glou, glou, glou. Bref, lorsque vous passiez ce coin, il y avait toujours un poulet dont une aile foirée au démarrage à cause sûrement d'un os qui s'était pas coincé au bon endroit a donc baudruchait-il fortuit dans la nuit tout au plaisir kamikaze de mon œil. Cristallin moitié givré, j'évitais de la tête un des plumés qui déconnait. Je repensais à Romuald. Ce salopard faisait trimer les intérimaires, puis s'arrangeait pour les congédier juste avant la fin du chantier. Comme ça, il barbotait tout le pourboire, enfoiré. À Deuil-la-Barre, ce serait Philippe, le chef de chantier. Un blanc bec qui cesserait d'haïr les commerciaux quand il roulerait lui aussi en Audi 6 ou 7. Pour les Arabes, fallait attendre sa crevaison. La rue de Gessin ne charriait pas encore les rumeurs de la gare du Nord. Je pouvais entendre mes chaussures de sécurité qui faisaient couiner leur coque. Je me souviens de ça. Je me souviens bout de la rue, la ligne aérienne, où deux, ils avaient arraché la façade de l'immeuble qui faisait l'angle avec la rue de la Goutte d'Or, ses carrelages, ses papiers peints, ses lambeaux de chambre accrochés sur la ville imitaient mal les unes des journaux d'alors. Autant, Pristina, Kosovo. Barbès se faisait bouffer par des grues qui attendaient leur cargaison d'étrangers en situation irrégulière rue de Chartres, au fond de laquelle pesait dans la nuit la meringue versaillaise qui trône sur Montmartre. J'allumais par-dessus mon dentifrice ma cigarette rue Charbonnière. Derrière, les rideaux métalliques des boucheries Halal en s'affairaient. Ce soir, quelques têtes de mouton tourneraient encore dans les rôtissoirs à roulettes. Mes fatigues absorbaient mon café, rétine gelée. Je déboulais boulevard de la Chapelle au moment où Decaux déroulait deux cuisses, puis s'arrêtait sur un cul serti dans la dentelle d'une culotte au bad qui articulait la leçon 57. Déconcentrer l'adversaire. Radio debout. Et oui, toujours en direct de la place de la République. Merci infiniment, Nicolas Flèche. Enfin, j'espère que tu vas jouer encore ce texte qui est assez génial à voir sur scène, avec des musiciens ou sans. Est-ce que tu as des dates comme ça ou pas là? Parce que tu fais pas partie, je pense, des assises de la création, de la jeune création contemporaine. Non, parce que je suis plus très jeune et puis j'ai... non. Non, la prochaine fois que je joue, c'est un autre texte. Un texte plus neuf et je le joue le 8 mai là, bientôt. Où ça? Au Limonaire. Au Limonaire, voilà. Bah oui, t'aimes bien les petits espaces comme l'atelier du plateau, le Limonaire, la Générale. Exactement. Voilà, alors merci à toi. Merci. Et alors, attends Nicolas, on a encore besoin de toi. Du coup, je me demandais avec Thibaut, vous êtes tous les deux en fait, toi Nicolas et toi Thibaut, vous êtes tous les deux des intermittents du spectacle, des metteurs en scène, des comédiens. Comment est-ce que ça se passe pour vous aujourd'hui, la culture? Comment est-ce que ça se passe pour vous aujourd'hui de représenter un texte? Qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce qui fait que vous êtes là aussi sur le plateau de Radio Debout ce soir? Pourquoi est-ce que vous avez envie de valoriser le théâtre, la culture aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même l'occupation à l'Odéon. C'est une question vaste. Hein. Oui, bah non, mais moi je suis là parce qu'on m'a demandé de venir. Oui, c'est moi qui t'ai demandé de venir. C'est tout, mais c'est vrai. Non, mais voilà, donc moi je suis venu une fois ici. Au début, j'étais un petit peu frileux comme ça, donc bon. Et puis je me suis laissé embarquer, donc je suis venu une fois ici. Et puis j'ai découvert un peu, parce que j'en avais entendu parler. Je suis venu au tout début, quoi, mais pas le premier jour. J'en avais entendu parler par des amis, par les journaux et tout ça. Bon, donc je suis venu, je suis resté longtemps, un soir, je suis resté longtemps. Maintenant, depuis, honnêtement, je passe de temps en temps très vite. Parce que c'est ça qui est amusant, on sait qu'ici il se passe toujours quelque chose, donc on sort du métro et puis tout de suite on arrive dans ce grand truc là, voilà. Mais ce soir je suis venu parce qu'on m'a demandé de venir, je suis pas venu pour dire que le théâtre c'était important. Non. Loin de moi, cette non, idée. Bien sûr. Mais après, je sais que tu travailles beaucoup sur la question du public et la question, en fait, du spectateur. Et moi, j'ai pensé à toi aussi en voyant, en fait, aussi les assemblées générales ici, cette nouvelle façon aussi d'occuper de l'espace, cette nouvelle façon peut-être de faire du théâtre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et toi, Nicolas, et toi, Thibault, sur une espèce d'agora de réappropriation de l'espace public, une théâtralisation de l'espace public. C'est peut-être vaste comme question, mais moi, voilà. Je pense que ça n'a pas de rapport avec le théâtre. Je pense que ici, enfin moi, c'est marrant que tu parles de ça parce que Nuit debout, je le vois je le perçois comme un agora, comme tu dis, c'est l'agora, voilà. C'est donc les gens viennent se parler, viennent échanger, et ça, l'agora aujourd'hui, il y a peut-être pas beaucoup d'endroits finalement où on peut l'avoir. Peut-être que depuis quelques années, les gens ont ça par Internet aussi, beaucoup. Mais donc, du coup, par Internet, on interagit, mais un peu virtuellement. Donc, les gens, peut-être qu'à un moment donné, ils en ont marre aussi de rester sur Internet, sur les chats, sur les forums, sur les sites de rencontres, sur Mediapart, sur tout ça. Donc, du coup, ici, c'est comme une espèce de bulle d'air pour les gens, parce que ça fait comme un peu la place du village, et ils viennent se parler, ils savent pas trop où ça va aller. Mais du coup, je pense que ça, c'est un truc que voilà, qui... Ça n'a pas de rapport avec le théâtre. C'est plus l'envie de se parler, l'envie d'être ensemble, Et le théâtre, alors c'est vrai, ça pourrait avoir un rapport, parce que le théâtre, on pourrait se dire, dans les halls des théâtres ou dans les salles des théâtres, finalement, on est là, on est tous ensemble, on peut se parler, mais le théâtre, ça fait bien longtemps que c'est plus vraiment ça, que c'est devenu une institution, une industrie comme une autre, pas aussi importante que le cinéma, mais une industrie. Alors, c'est pour ça que les gens après aiment aller dans les squats, je pense que c'est plus ton, peut-être, les endroits que tu connais, la Générale, moi je te connais pas, donc, mais comme tu parlais de la Générale, oui, là, dans des endroits comme la Générale, dans des endroits un peu alternatifs, là, il y a une forme d'échange, il y a une forme de rencontre peut-être, mais bon, le réseau du théâtre public, par exemple, ou du théâtre privé, hein, c'est pas un endroit où les gens sont amenés à se rencontrer, à se parler, ils viennent consommer, honnêtement. Oui, et alors là, on a toujours du très très gros son derrière. Ah, c'est génial. Là, il y a le camion jaune, le fameux camion jaune de la logistique, excusez-moi, qui vient de monter les marches de la place pour se garer je ne sais pas où et peut-être ramener du matériel. Oui, peut-être pour nous rapporter des bières. Je crois que c'est interdit. Ou du chauffage. C'est interdit ou du chauffage, il fait très froid. Nicolas, toi, ton engagement, je sais que tu viens souvent sur la place de la République parce que je t'y ai croisé plusieurs fois. Juste un petit mot sur ta sensation de cet espace pris tel qu'il est aujourd'hui. Et moi, je suis arrivé après la manif du 31, en fait, le soir. Je suis venu voir ce qui s'y passait, j'étais au courant de ce qui se passait. Donc je suis venu, j'ai croisé des gens que je connaissais, j'ai discuté tout de suite avec des gens que je ne connaissais pas non plus. Et après, je suis revenu toutes les nuits, parce que justement, je bossais au Limonaire à ce moment-là. Donc après les représentations, je repassais par la place de la République. Et là, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, parce que je passais tard, vers 3h du matin, et je tombe sur, je sais pas, une centaine, 80 personnes, dont beaucoup de jeunes, parce qu'il était tard, donc les vieux étaient repartis. Et de voir des gamins de 19, 20 ans, par groupe de 6, par groupe de 8... discuter de politique, le cul par terre dans le froid, je me suis dit que là, non, enfin, et puis voilà, enfin, ça a gonflé et puis on en est là maintenant. Donc, je pense que c'est une espèce de mouvement, c'était naturel. Je savais qu'il y avait ça après la manif. Je suis venu et puis après je suis venu tout le temps, quoi. Voilà. Sans transition, toujours sur la place de la République avec Nicolas et Thibaut. Nicolas, nous, on peut te voir au théâtre le 8, c'est ça ? Alors, je fais une sorte de maquette avec un mec qui fait une électro assez démentielle qui s'appelle Jacques de Candé, qui est issu du groupe Infecticide. On présente sans doute ce qui sera mon prochain travail et qui s'appelle... Super Lombrique et le mystère de l'insecte extraterrestre au Limonaire, dimanche 8. Et toi, Thibaut ? Oui. Toi, on peut te voir où ? Qu'est-ce que... Ah, on est toujours là, on est de retour sur la place de la République. Excusez-nous pour cette petite coupure électrique. Je ne sais pas si vous nous entendez. Alors, on continue à parler. Je pense que c'était une bonne réponse. On peut voir où et tout ça. Ah, ça recoupe. Alors non, j'ai plus rien dans les micros, mais si on m'entend, tout va bien, ça y est. Bon. On ne sait pas. Bah, en fait, le problème, c'est que nous, on s'entend, mais on ne sait pas si on passe encore sur Internet. Alors, voilà. C'est ça le principe. Il faut vérifier. On est en train de vérifier. C'est génial, c'est ça le direct. Les gens peuvent aller pisser. Ouais, les gens peuvent aller pisser. Ou regarder leur mail. Exactement. Ou l'emploi du temps pour demain. Qu'est-ce qui se passe demain dans leur vie. Regarder les rendez-vous, les On voilà, me dit que, les, on me dit que ça... Déclaration d'impôt dans pas longtemps. Hein. Tourne. Alors, on finit avec Thibaut. Ouais. Thibaut, ça tourne toujours. Qu'est-ce que tu fais, toi, bientôt Moi, je fais plusieurs choses. Je reprends une pièce au Théâtre Paris-Villette le 25 et le 26 mai. C'est une pièce qui s'appelle 4 rêves non censurés en présence de Fleur Pellerin. À côté de ça, toujours au Théâtre Paris-Villette, je présente une carte blanche. Donc c'est une forme comme ça, nouvelle et inédite. Ça sera le 20 et le 21 mai 2016, donc dans pas longtemps. Et puis ensuite, au début du mois de juin, je serai au Théâtre de Gennevilliers pour le festival TJCC. Ce sera le 4 juin 2016, puisque le mois change, mais l'année, elle change pas. C'est toujours la même, 2016. Eh bien, formidable. Merci voilà. beaucoup. On viendra voir ça et puis reviens bah, nous en parler. Venez, que toute la place de la République vienne à Gennevilliers, ça me fera bien marrer. Merci voilà. Thibault. On va occuper Gennevilliers. On occupera Gennevilliers avant de revenir. Ciao. Merci Thibault. Avant de revenir ici, on va écouter un petit son de l'orchestre Debout. Voilà. Alors, on reprend l'antenne tout en continuant à écouter l'orchestre Debout, plus de la musique au loin, donc ça fait beaucoup de musique d'un coup. Et comme on a froid, il y a des gens qui sont en train de nous écrire en disant qu'ils aimeraient bien tricoter pour nous des petits pulls ou des, je sais pas, peut-être des écharpes ou des gants. Des mitaines, ce serait super, des mitaines. Des petites mitaines, en effet. Là, on est toujours donc Place de la République. On accueille Nicolas Fleureau, qui est scénariste. Bonsoir. Qui est à ma gauche. Bonsoir, Nicolas. Ça fait plaisir que tu sois là. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, en fait, à côté de la Place de la République, pour raconter juste comme ça. On buvait une bière et on s'est mis à parler. Et voilà. Et c'est comme ça que l'envie et l'idée est venue que tu viennes participer à cette Radio Debout ce dimanche. Voilà, tu es scénariste, tu es assez engagé politiquement, de ce que tu me disais. Tu as coécrit un film et ton histoire familiale aussi le raconte. Tu vas nous en dire quelques mots. Tu as coécrit un film qui s'appelle Corporate de Nicolas Ciel. Et en fait, c'est un film. Le sujet du film, c'est sur le harcèlement. Moral en entreprise. En entreprise. Pour être précis, le harcèlement systémique. Voilà. Donc j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ça, parce que c'est vrai que dans la société dans laquelle on est, et peut-être aussi tout ce qui fait cette fameuse loi du travail, tout ça est lié. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aussi dans les entreprises et qu'est-ce qui fait que voilà, ça craque. Je peux peut-être parler déjà un peu du point de départ de l'idée du film, c'est-à-dire qu'on était à la fin un peu du. de l'affaire France Télécom. J'aime pas trop ce mot d'affaire, ça a tendance un peu à minorer en fait la portée des choses. 53 suicides, dont 45 reconnus officiellement comme en lien directement avec le travail par le rapport de l'inspecteur, de l'inspectrice du travail d'ailleurs, qui a travaillé sur cette affaire France Télécom. Et notamment le PDG de France Télécom de l'époque était arrivé face caméra pour une conférence de presse et avait dit, bien entendu, qu'on veut tous que s'arrête cette mode du suicide qui est absolument désagréable. Évidemment, mode du suicide, c'était complètement fou. Enfin, je veux dire, c'était hallucinant d'entendre une énormité pareille. Ça nous avait beaucoup choqués. Et il s'avère que mes parents étaient, maintenant ils sont à la retraite, des fonctionnaires historiques des PTT, donc devenus France Télécom puis Orange, très engagés, militants, CGTistes en fait, voilà. Et mon père, malheureusement, a été confronté directement à cette vague de suicide, puisque deux de ses collègues se sont suicidés dans le centre d'Alès, qui avait été frappé par trois suicides sur une période très courte, puisque moins d'un an en vérité. Donc avec Nicolas, on réfléchissait à écrire un film. En fait, au bout d'un certain temps, on s'est dit, il faut prendre nos responsabilités en tant qu'auteur, en quelque sorte, et il faut essayer de saisir le réel. Notre modèle, c'était le cinéma américain des années 70, celui de Sidney Lumet, celui qui fait Serpico, Un après-midi de chien, celui aussi d'Alan Jipakula, par exemple, les hommes du président. Et ces gens-là, ils nous paraissaient, j'ai envie de dire, pertinents parce qu'ils n'avaient pas peur quoi, de s'attaquer à leur réalité. Par exemple, Les Hommes du Président, c'est un film sur l'affaire du Watergate et ça sort seulement un an et demi après le scandale lui-même. Donc c'est très rapide comme temps de réponse. Et puis bien sûr, il y a tous ces films qu'ils ont fait sur la guerre du Vietnam. Et nous, on attend toujours nos films sur l'Algérie, qui existent pourtant pour certains, mais qui ont été censurés beaucoup, notamment La Question, par exemple. Bon. Donc nous, on s'est dit, bon ben voilà, il faut s'attaquer à un truc très fort. Et comme moi, j'avais un lien direct avec cette affaire des suicides, on a décidé de se plonger, assez naïvement, j'ai envie de dire, dans un premier temps, dans cette question du harcèlement moral. Puisque comme tout le monde, on avait tendance à se dire, mais nom de Dieu, mais comment on fait pour en arriver à se suicider à cause du travail? C'est-à-dire, pourquoi les gens, finalement, rentrent pas chez eux ou démissionnent ou arrêtent d'obéir aux ordres? Comment se fait-il qu'ils en arrivent à une extrémité pareille? Et puis évidemment, on a lu beaucoup, on est allé voir aussi des gens, on a rencontré des inspecteurs du travail, des médecins du travail, des managers. On a lu aussi un livre qui est important, j'ai envie de citer, de Christophe Dejour, qui est un psychanalyste spécialisé sur le travail, et un livre qui s'appelle Souffrance en France, qui est pour moi un livre très fort, qui est un livre de 97 ou 98, qui avait fait scandale d'ailleurs à l'époque, puisqu'il comparait le harcèlement systémique et la possibilité qu'il existe dans l'entreprise à la banalité du mal de Hannah Arendt. C'est-à-dire qu'il pensait que ce n'était possible d'harceler les gens qu'à condition que tout le monde l'accepte finalement d'une façon ou d'une autre. Donc sur le modèle de la banalité du mal, enfin de l'analyse que Hannah Arendt produit de la montée du nazisme. Alors juste une petite transition, la banalité du mal. Il semblerait que donc au théâtre de l'Odéon, des CRS ont embarqué des gens qui sont à l'extérieur. Le théâtre aurait autorisé les manifestants à rentrer dans la salle et les flics l'interdisent. Voilà, donc ça c'est les petites infos de dernière minute. Excuse-moi Nicolas, continue ce que tu dis. Triste état policier. Non, après c'est devenu progressivement mais sûrement une histoire tout simplement. Juste la chose qui est amusante, c'est qu'on a commencé par raconter cette histoire du point de vue du shérif, c'est-à-dire en fait de l'inspecteur du travail. On a beaucoup d'inspecteurs du travail comme consultants sur le film, une espèce en voie de disparition malheureusement. Et puis finalement ça marchait pas, ça n'avait pas à convaincre, et donc on a renversé le point de vue, on l'a raconté du point de vue de la manageuse qui est incriminée, qui est en fait responsable du suicide, qui sera jouée par Céline Salette. Elle nous a fait le plaisir d'accepter le rôle. Et en renversant le point de vue, c'est devenu en fait beaucoup plus intéressant. Ça a été ça la grande leçon, en fait, moi je dirais, du travail sur ce film. C'est qu'en se mettant du point de vue du bourreau, entre guillemets, justement, en point de vue de celui qui participe de cette banalité du mal, d'un seul coup, ça nous a ouvert beaucoup d'espace pour essayer de comprendre en fait comment se fait-il que effectivement les gens acceptaient de participer d'un système d'oppression collectif qui peut déboucher sur une vague de suicide, comme on l'a vu chez France Télécom. Alors ce soir, on avait Thiago Rodriguez qui nous parlait de l'occupation à Bastille, qui est donc un spectacle qui se passe avec le public, avec des comédiens. Ils sont venus en jouer une sorte de performance. Et on était en même temps en direct avec l'occupation du théâtre de l'Odéon, qui a vraiment lieu. Ouais. Et donc je me demandais, en t'écoutant, comment écrire la fiction à partir d'une réalité qui t'est si proche, hein, puisque tu disais que ton père, en fait, des collègues à lui s'étaient suicidés. Comment écrire de quelque chose de si intime et d'en faire une fiction à partir de quelque chose qui touche les gens réellement, quoi. Je crois que c'est ce que font un peu finalement tous les auteurs dans ce cas-là. Il faut trouver une solution de mettre à distance. Cette solution pour nous, ça a été de déconstruire, en fait, c'est-à-dire de rencontrer le maximum de gens. On a suivi un petit peu aussi le procès Renault, qui était en parallèle de l'écriture de notre film pour les suicides de Guyancourt. Et donc d'écouter ce que les gens ont à dire. Et évidemment, ça donne des outils qui permettent de saisir la réalité pour la transformer en fait en fiction et essayer de dépasser un petit peu cette colère. On nous avait, au départ, c'est amusant, beaucoup reproché notre colère qui visiblement était très visible dans les traitements, puis ensuite les versions dialoguées qu'on faisait lire, même les notes d'intention. Ça agressait assez les gens. C'est un film qui a été par ailleurs assez difficile à monter. Enfin, ça va, il est bien produit. Je ne m'en plains pas du tout. C'est un film qui, au final, aura été bien produit avec un joli casting, etc. Mais qui, dans un premier temps, a été assez dur à monter parce que les gens me trouvaient trop en colère, clairement. Et alors moi, ça m'amuse beaucoup parce qu'en fait, tout le monde est en colère. Et je ne sais pas trop pourquoi on nous ennuie avec ça. Mais c'était quelle colère ? C'était... C'est-à-dire que voilà, cette colère, elle est souvent associée au manichéisme. Je pense que c'est deux choses différentes, en fait. Il y a une espèce de confusion, c'est-à-dire vous êtes en colère, donc vous voulez vraiment des coupables, vous voulez les pendre par les pieds, et puis c'est tout. Alors qu'en réalité, nous, on était en colère parce que précisément, tout le monde était un peu coupable dans cette affaire, quoi. C'est-à-dire que les syndicats étaient trop faibles, l'État faisait pas ce qu'il fallait, les gens acceptaient de se taire, etc. Donc c'était difficile de juste désigner quelqu'un. En fait, c'était plus un système dans l'ensemble qui posait problème. Nicolas Fleuriot, donc tu es scénariste. Fleuriot, excuse-moi. Hein. Je vous en prie. Tu es donc scénariste. Sur quels autres projets est-ce que tu as travaillé ? Est-ce que c'est la première fois que tu as approché un projet social ? Je ne sais pas si pour dire ça, c'est exagéré. Oui, si, social, pourquoi pas. Moi, ce n'est pas un mot qui me dérange, ça parle de la société. Non, ce n'est pas la première fois. Enfin, disons que cette idée de produire un cinéma qui soit politique, on va dire... C'est mon obsession depuis le début. Encore une fois, ce modèle, c'est donc le cinéma américain des années 70, mais on pourrait dire aussi, je ne sais pas, le néo-réalisme, le cinéma coréen des années 2000. Enfin, il y a pas mal de gens en fait qui s'attaquent au réel qui les entoure. J'ai envie de dire que même les Français, en quelque sorte, font exception à si peu traiter leur histoire et leur réalité. On est plus une exception. C'est plutôt la nature d'un cinéma, c'est plutôt de parler de son pays et de l'histoire de son pays plutôt que le contraire, en fait, en réalité. Et donc, oui, c'est une obsession politique. Je travaille sur plusieurs projets à côté. J'ai un projet notamment de long-métrage, un thriller sur la montée du fascisme. La première fois que je l'ai pitché, les gens ont cru qu'on parlait de la montée du fascisme dans les années 30. On leur a dit non, la montée du fascisme aujourd'hui. Donc là, ça a été amusant aussi, à mon avis, qui va être un film qui sera aussi assez dur à monter pour diverses raisons. Et particulièrement une montée du fascisme dans le sud de la France. Quand tu dis monter, tu dis monter le projet, hein. Pas monter le film comme un montage. Non, monter le projet, effectivement, trouver les financements. Là aussi, c'est inspiré... un peu de ma vie, entre guillemets, et de celle de mon co-auteur, qui est Thomas Guérard, qui est d'ailleurs là, qui nous écoute, je pense, qui est quelque part par là, qui est le premier cinéaste à m'avoir fait confiance. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec lui. Et on est tous les deux originaires du sud de la France, en fait, de Nîmes, enfin, d'à côté de Nîmes. Et chez nous, on a un député, c'est Cyril Collard, pas très loin, il y a Béziers, encore pas très loin, il y a Marion Maréchal Le Pen, finalement. Donc on est dans une zone brune, voilà, et où, en plus, les chiffres vont pas en baissant, quoi. Je veux dire, les chiffres vont en augmentant. Donc le prochain film, c'est celui-ci. Donc c'est un film d'anticipation ? Pas vraiment, parce qu'on ne va pas jusqu'à imaginer Marine Le Pen présidente comme une bande dessinée l'a fait récemment. Une bande dessinée d'ailleurs, de mon point de vue, assez faible, enfin je me permets de le dire, assez les pieds dans le plat. Mais on observe qu'est-ce que ça donne quand une société commence à vraiment haïr son voisin, à se méfier de tout le monde et à choisir la violence comme solution pour résoudre les problèmes. Ce qui est censé un peu proposer le fascisme, en gros désigner des boucs émissaires et taper dessus. Donc voilà, c'est le pitch, c'est un couple de bobos qui s'égare dans une cité pour aller acheter du cannabis et qui tombe au milieu d'une guerre entre deux quartiers, dont un quartier majoritairement frontiste qui s'est organisé la nuit en milice Cette affaire étant inspirée par ailleurs des ministres du métro du Nord et évidemment de celle que Robert Ménard a voulu instituer à Béziers avant d'être censuré, je crois, par le Conseil d'État, semble-t-il. Est-ce que tu utilises beaucoup de faits divers pour écrire des scénarios? Je sais que Bob Dylan, par exemple, écrivait ses chansons en allant à la New York Library, en regardant les microfilms des journaux des années 1880-90. Ah, Bob Dylan que j'adore. J'adore cette démarche. C'est marrant parce que la démarche du Fox, ça pourrait être une démarche proche comme ça de... du cinéma qu'on fait. Oui, bien sûr, les faits divers, la presse énormément, on lit. Il y a un truc souvent qu'on ignore dans la fabrication de la fiction, c'est que mine de rien, on va quand même chercher, on va au réel, quoi. On va lire, on va se questionner, on va rencontrer les gens. En tout cas, pour les auteurs qui m'entourent et pour moi, c'est vraiment une nécessité, quoi. C'est-à-dire, je comprends tout à fait le Bob Dylan qui va à la bibliothèque pour aller chercher les journaux de l'époque. Nous on fait ça, sauf qu'on le fait avec notre époque actuelle, donc on a... et puis bon, il y a internet, il y a tout ça, donc c'est plus facile, j'ai envie de dire, sans doute, que pour lui à l'époque, d'accéder finalement aux informations. Mais oui, on puise dans tout ce qui... on essaye d'être en fait le plus honnête possible, pas de décrire vraiment la réalité, mais en tout cas de décrire une vérité, j'ai envie de dire, enfin d'être proche d'une vérité. On va aller écouter le son du film qui est en train de passer en ce moment derrière nous. Ah, on l'a plus. Ah oui, bah oui, ils ont déjà démonté. Bon, c'est un film qui s'appelle Une jeunesse allemande. Ah, oui, bah voilà, oui, bien sûr. De Jean-Gabriel Périot. Ah, je voulais écouter ça, c'était un super morceau de rock, là. Peut-être qu'on l'entend au loin dans les micros. Ouais, c'est déjà fini. On va recevoir les architectes debout. Peut-être que tu peux rester un tout petit peu avec nous et voir ce qui se passe. Avec plaisir, bien sûr. Des petites nouvelles de l'Odéon. On a eu Farida tout à l'heure par téléphone qui disait qu'il commençait à rentrer en Assemblée Générale là, il y a 10 minutes. Et donc, ils sont prêts architectes. Pour passer toute la nuit à l'Odéon. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre. Autre information, il y a environ 200 personnes qui sont devant le théâtre de l'Odéon qui essayent de rentrer et à qui on ne donne pas l'accès au théâtre de l'Odéon. Donc voilà, allez les soutenir et on revient vers vous dès qu'on a des nouvelles de l'Assemblée Générale à l'Odéon qui se déroule encore actuellement et qui va se dérouler toute la nuit. À présent, nous recevons au plateau de Radio Debout les architectes debout. Bonsoir à vous. Bonsoir les Nicolas architectes. Nicolas est toujours debout. Avec nous si tu as envie d'intervenir. Et puis on fera peut-être une petite conclusion avec toi après l'intervention. Bonsoir. Bonsoir. Donc on est en présence de Samia, Olivier, Tia et Thomas et qui vont nous raconter un peu comment s'est déroulée la première commission architectes debout. Donc tout d'abord, la parole à Olivier, qui a été quand même pas mal à l'initiative de cette commission. Merci. Voilà, c'était effectivement la première initiative là, d'Archidebout, excusez-moi, je m'installe un peu, voilà. Et alors c'était incroyable de voir... Il faut savoir que déjà, à la base, les architectes sont vraiment isolés, un peu individualistes, et ne savent pas trop se coordonner. Et là, c'était incroyable de voir tout le monde se rassembler. Et puis surtout, il n'y avait pas que des architectes, des gens étaient intéressés. Et là, l'idée, c'est de faire comprendre qu'à travers toutes ces luttes sociales, on peut agir sur la façon de vivre à travers l'architecture. À un moment donné, on est obligé de passer par l'architecture, ne serait-ce que pour l'habitat participatif, prendre possession de l'urbain, agir sur l'urbain. Là, on a beaucoup parlé d'exemples, par exemple, où des groupes s'étaient opposés à des promoteurs ou des urbanistes pour prendre en main un quartier et dire « c'est pas ça qu'on veut, on veut d'autres types de logements, on veut d'autres types d'activités, on veut surtout une façon de vivre qui nous correspond, on veut des jardins, des espaces publics, on veut des parcs, on veut des boutiques bien, on veut des petits cinémas, on veut des ateliers de réparation de vélos, on veut des choses comme ça ». Et ils ont pris les choses en main et ils sont aboutis à des situations positives pour leur cadre de vie. En prenant en main les choses, ils ont eux-mêmes choisi les acteurs de ce projet. Et donc on a reparlé de tout ça. Le débat a été lancé. Hein. C'était vraiment... il y a eu beaucoup d'échanges. Et tout le monde était très enthousiaste. Tout le monde a pris conscience que là... on a eu des gens, des habitants, des comités des locataires qui sont venus nous voir en disant nous sont un peu rentrés dedans en nous disant « Ouais, mais on vit dans la merde, qui a pu concevoir ces logements de merde, etc. » Et donc, il y a eu toute une réflexion aussi sur, sur une remise en question de l'architecte, en disant « Effectivement, oui, effectivement. » Faut dire qu'il y a les logements, certains logements ont été conçus, c'est des logements de merde. Et donc, on a expliqué comment on en était où, où on en était, nous, dans notre profession, savoir qu'on n'a pas la main mise sur tout, malheureusement. On nous a enlevé pas mal de prérogatives, pas mal de pouvoirs, et que parfois, on est un peu, en fait, des larbins de certains financiers. Ils nous disent, voilà, faites des plans ci, faites des plans ça, fermez votre gueule, c'est pas à vous. De toute façon, à côté, les logements sociaux, on les met de côté, ça ne nous intéresse pas. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont qui aboutissent à une situation désagréable pour tout le monde. Donc à un moment donné, si les citoyens ne reprennent pas la main sur leur manière d'agir, si les citoyens ne prennent pas à partie leurs architectes, puisqu'on est là pour eux, on est là pour les habitants, on ne travaille pas pour nous, on ne travaille pas pour des bailleurs, on ne travaille pas pour l'État, on travaille pour les habitants. C'est quelqu'un qui l'a dit plusieurs fois, il dit voilà, nous, nos vrais destinataires, c'est les habitants, c'est pas celui qui va payer forcément. Donc, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, les archis à nuit debout a pris tout son sens. Et c'est pour ça qu'il y a une telle mobilisation. Donc, il y avait deux choses qui étaient intéressantes ce soir, je pense, c'est ce que tu viens de dire avec un appel aux citoyens, c'est-à-dire que l'architecte, il est là pour les gens. Et même si c'est une profession qui n'est pas trop connue, où les gens pensent que c'est un peu obscur ce qu'on fait, nous, on pense qu'au 21e siècle, on va être là pour les gens et que du coup, on a besoin de faire des choses avec les habitants pour le logement. Mais c'est aussi un appel aux autres professions, c'est-à-dire que maintenant, l'architecte, ça ne va plus être un seul métier. Nous, on est tous architectes urbanistes, architectes paysagistes, architectes quelque chose. Et donc, nous, on défend le fait qu'on a envie de travailler avec plein d'autres professions pour faire les quartiers et les bâtiments du futur. Donc, c'était aussi bien d'avoir un panel ouvert d'avis sur une profession qui est en train de se démultiplier, en fait. Et pour rebondir, donc, du coup, sur ce qu'on vient de dire, à la fois, il y a la question de la multiplication du métier de l'architecte, parce que c'est les architectes debout, mais en fait, il y avait beaucoup de métiers de conception qui étaient là. Et ils ont soulevé cette question-là. Alors, dans le public, on a eu cette question-là de aussi l'implication de l'architecte dans les autres corps de métier, que ce soit dans la maîtrise d'ouvrage, que ce soit auprès des villes. Et ça soulève aussi toutes les questions, enfin l'ampleur des questionnements que se pose la profession. C'est-à-dire que non seulement... on a eu peut-être 2h30 de débat et on s'est rendu compte que toutes ces pensées-là sont aussi des pensées organisées parce que l'ampleur du chantier est assez conséquente et que on ne peut pas non plus tous répondre à toutes les questions et que si on veut pouvoir être actif et aussi si on veut pouvoir changer les choses, il va falloir pouvoir organiser toutes ces idées, que chaque corps de métier, chaque compétence puisse répondre aux questions qui sont à sa portée. Et donc ça va de pair avec le fait de diversifier le métier de l'architecte, que l'architecte puisse travailler à toutes les échelles et auprès de plusieurs métiers. Non, j'adore ce qu'on m'a dit. Mais prends la parole. J'adore faire ça. Non, mais je me permets, c'est amusant parce que pour nous, les cinéastes, l'architecte, c'est probablement l'artiste le plus proche de nous, en fait. Parce que c'est celui qui est confronté au plus de contraintes et qui, précisément, doit travailler avec le plus de corps de métier réunis. Ce qui est le cas au cinéma aussi. Il y a énormément de corps de métier pour fabriquer un film et on a énormément de contraintes aussi. Et puis, très souvent aussi, c'est celui qui est confronté à la commande. Et nous aussi, on est confronté à la commande. Assez régulièrement. Notamment, Fritz Lang a fait un parallèle avec ça, avec un très beau film qui s'appelle Le tombeau hindou, où justement, il se projette dans un architecte. Mais moi, la question, je voulais vous poser une question, c'est aujourd'hui, on résume tous les défis architecturaux modernes, souvent dans la presse, enfin, je parle de la façon dont les gens en parlent, aux défis écologiques. Est-ce que ça se résume pour vous vraiment uniquement à ça? Évidemment, c'est très important le défi écologique, mais est-ce que c'est seulement ça? Alors oui, c'est vrai que ça a été abordé, ce sujet a été largement abordé. Enfin, surtout, il y a eu un débat intéressant. Vous savez, bon, il y a eu Réinventer Paris, et bon, j'avais rappelé à un moment donné un titre, je crois que ça doit être un titre du Monde qui disait 23 nuances de vert. C'était exactement ça. Hein. Enfin, c'était un peu une débauche de dire voilà, on va foutre du vert partout, des arbres, de l'agriculture partout. Et en gros, on a répondu au défi écologique. Le défi écologique, il n'est pas vraiment là. Il est aussi savoir associer le vrai besoin des habitants par rapport à une démarche environnementale générale, hein, et non pas mettre des arbres et des trucs partout. Donc c'est pas ça qui... Donc là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu à un moment donné tout un débat sur l'architecture et l'agriculture urbaine et l'expansion, enfin l'expansion de la ville. Jusqu'à un moment donné, il faut garder des terres agricoles. Et ça, c'était intéressant, ce débat qui est là ce soir, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de gens qui ont dit la ville ne peut pas vivre sans agriculture, la société ne peut pas vivre sans agriculture. Et nous, architectes, qu'est-ce qu'on fait? On est les premiers à construire ces espaces vides. Comme on se pose la question, on se dit, mais on ne peut pas indéfiniment construire des programmes. Là, je pensais à Gonesse, une sorte de centre commercial, ou même à Saclay. Gonesse, là, ce centre commercial, ce nouveau temple de la consommation, qui est complètement dédié à la consommation, à l'argent, aux produits, etc. Pour bouffer on va mettre des gros centres commerciaux, des grands supermarchés sur des terres agricoles. Clairement, c'est un non-sens. Donc là, il y a eu ce truc. Alors il y en a qui étaient pour, qui étaient contre, ils disaient non, mais l'agriculture urbaine, ça ne doit pas se faire dans Paris, il faut laisser la ville à la ville. Et par contre, après on dit bah non, mais l'agriculture urbaine et l'architecture, ça permet une autonomie des villes. Donc c'est vrai que c'est un débat qui était intéressant, qui n'était pas tranché, donc ça va aboutir sur un compte-rendu, sur lequel on va essayer de reproduire un peu ce qui s'est dit. Mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience là-dessus. Après, on a reparlé, c'est la transition écologique, puisque la transition écologique, c'est pas que baisser la consommation, c'est aussi améliorer les habitats, hein, faire que les habitats soient moins indignes. Donc il y a aussi tout ça qui est vachement important. Donc oui, tout ça, c'est une vraie préoccupation. Je pense que c'est le métier de l'architecte, c'est un empilement de strates, en fait. Et celui qui construit, il arrive à la fin d'une chaîne décisionnelle un peu longue. Et du coup, quand on parle d'écologie, sur le triangle de Gonesse, c'est pas l'architecte... Enfin, un peu, il est responsable, mais c'est surtout les gens qui ont provoqué cette commande. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il faut ouvrir ce métier à plein d'autres corps de métier. C'est que quand on parle d'écologie, par exemple, il faut avoir des visions territoriales des choses, il faut avoir des visions géographiques, il faut avoir des visions... écosystème, etc. Du coup, on a besoin de travailler en cohérence avec plein d'autres strates qui nous entourent pour avoir une décision juste, parce que si on dit juste le bâtiment, il y en a qui vont être contre, il y en a qui vont être pour, mais les arguments, ils sont pas très efficaces. C'est un empilement de choses qui fait qu'il y a une décision juste, en fait. Donc c'est collaboratif, et puis il y a une autre question que je voulais vous poser, c'est il y a la question de la fonctionnalité des bâtiments qu'on conçoit, leur efficacité écologique sans doute, mais aussi le bien-être des gens qui sont dedans. Et puis ensuite, il y a la question de l'esthétique. Et il me semble qu'il y a des moments de l'histoire, peut-être, où on a voulu se débarrasser de l'esthétique. On a fait comme s'il n'y avait plus de questions esthétiques. Je pense au sud de la France, d'où je viens, les stations balnéaires, on a l'impression que c'est... Les mecs, ils ont pété un câble, littéralement. Ils se sont oubliés. Et aujourd'hui, c'est très bizarre. Par exemple, la Grande Motte, je ne sais pas si vous connaissez la Grande Motte, mais c'est un lieu de science-fiction pour nous. Et alors, voilà, alors où on en est sur la réflexion esthétique? Est-ce que vous, ça fait partie aussi d'un geste de modernité, justement, de se réapproprier cette question esthétique aujourd'hui? Non, mais c'est une question un peu difficile, parce que je pense qu'il y a des effets... L'effet de mode en architecture, il est compliqué parce qu'un bâtiment, ça dure 50 ans. Et du coup, quand il y a eu des effets de mode à un temps donné, on les voit encore aujourd'hui. Et ça crée des choses qui sont plus acceptées. Et du coup, voilà, c'est encore une fois... moi, je ne vais pas parler en mon nom, mais il y a plein d'archis qui défendent l'idée d'une esthétique juste, c'est-à-dire qu'elle est ancrée dans un sens. Et ça peut être un sens par rapport aux matériaux, par rapport à la région, par rapport à... Mais alors après, il ne faut pas faire du pittoresque non plus. Donc voilà, c'est mais il ne peut pas y avoir d'effet de mode en archi parce qu'ils seront vite dépassés. Et je pense que dans plein de bâtiments, c'est un peu le cas aujourd'hui. Quoi. Et puis, l'esthétique, ça va aussi avec la rapidité de l'information. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la grande mode, lorsqu'on parle des courants d'architecture qu'il y a eu et que du coup il y a une esthétique qui se colle sur des périodes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait des visions, et des visions qui ont duré un certain temps, et puis ensuite on est passé à d'autres moments de l'architecture qui ont changé ces visions. Donc voilà, on dirait quelque chose un peu historique. Et aujourd'hui, non seulement on est un peu perdu dans nos visions, c'est pour ça aussi qu'on se retrouve, on ne sait plus trop où on va, donc on va de tous les côtés. Voilà. C'est la faute à la postmodernité. C'est pas la postmodernité, c'est non seulement que... Enfin, c'est la diversification du métier qui vient aussi du fait qu'on a beaucoup plus d'informations et qu'on peut facilement aussi s'auto-former à plusieurs choses et qu'on est à la fois spécialiste ou généraliste. Hein, et bon, ça dévie un petit peu, mais donc l'esthétique aujourd'hui, c'est... Je ne suis pas sûre qu'il y ait encore une question d'esthétique aujourd'hui, en fait, dans l'architecture, et surtout en France. Donc voilà. Si on peut parler de qualité, on a pas mal parlé de qualité de l'archi, donc plutôt d'un point de vue de la fonctionnalité, ça répond aux besoins, au bon sens. Est-ce qu'il y a une esthétique aujourd'hui? En tout cas, pas une esthétique de notre temps, non. Il y a plusieurs esthétiques, plusieurs écoles, mais des signatures différentes, si on veut. Mais on n'est pas dans un courant particulier, non. On n'a pas ça. Juste une seconde là-dessus. Pourquoi j'avais dit la faute à la postmodernité? Parce que le cinéma, pour le coup, après la révolution imposée, la révolution esthétique imposée par la nouvelle vague, d'ailleurs, il faudrait dire les nouvelles vagues, si on était honnête, parce que ce n'est pas seulement la France, mais c'est beaucoup d'endroits du monde, les Japonais, etc. Il y a eu un éclatement de l'esthétique classique, d'une espèce de dynamitage de l'esthétique classique qui est revenu par la postmodernité dans les années 90. C'est les auteurs qu'on connaît tous, c'est Kitano, c'est Wong Kar-wai, c'est Jim Jarmusch, etc. qu'on aurait utilisé des ralentis, des plans séquences, des lumières hyper travaillées et tout. Et puis d'un seul coup, cette forme, au bout d'un moment, elle est morte, purement et simplement. C'est devenu des images mortes, en fait. Et donc il a fallu réinventer, et c'est marrant parce que moi je dirais que je suis pas sûr qu'aujourd'hui il y ait une école esthétique au cinéma. Enfin, en tout cas, il y a une historicité qui se continue. Voilà, il y a des éclatements, possiblement, il y a des gens qui vont faire des choix, mais je dirais plus qu'on est dans une grande période, comme on pourrait dire la période du cinéma moderne des années 60 ou la période classique des années 50, qui était vraiment une période identifiable pour tout le monde. Mais juste dire un truc qui était complètement dingue, qui s'est passé dernièrement aux élections, pendant la campagne des régionales. Vous savez, il y a dans la campagne de Valérie Pécresse, il y avait pas mal de tracts qui expliquaient voilà ce que faisaient les architectes avant et voilà ce que nous on va faire avec un style architectural hyper dirigé, une architecture haussmannienne super rétrograde du 19e siècle un peu bourgeoise et en gros il fallait faire ça. Alors imaginez dans le cinéma qui dit, quelqu'un dit voilà, bah maintenant le cinéma on va le faire comme ça, plutôt style comme ça, bah, vous deviendrez fou. Et les architectes ont pété les plombs. Ils ont réagi, ça a fait un buzz pas possible. Elle a fini par s'excuser sur France Inter en disant non, on s'est emballé. Après plusieurs fois, ils ont fini par s'excuser sur France Inter, c'est mauvais signe généralement. Et, ouais. et du coup. Je vous remercie. Voilà. Je vous remercie pour toutes vos interventions. On va voir ce que va devenir la suite de la commission Architectes Debout dans les jours qui vont venir. Et on rend l'antenne pour une petite production radiophonique qui s'appelle Bout de Ficelle tout de suite. Merci beaucoup. Je peux vous poser une petite question? Pour Radio Debout, comment vous faites pour joindre les deux bouts? On a beaucoup de mal à joindre les deux bouts, mais on essaye, on poursuit. J'ai habité longtemps chez mes parents en travaillant, je suis intermittent du spectacle. Là, je viens de prendre un appart, mais c'est compliqué parce que je perds mon statut. J'espère que je vais retrouver facilement, mais c'est un peu compliqué. Comment on fait pour joindre les deux bouts? Bah, un peu à droite à gauche, un peu de prime d'activité. Et puis je me fais héberger chez les potes. Et puis il y en a qui travaillent, il y en a d'autres non, on se soutient quoi. Comment on fait pour joindre les deux bouts? On n'arrive pas. C'est la catastrophe. Comment faire? Ah bah, un peu comme tout le monde, hein, c'est pas facile. Je suis plutôt gâté. Eh ben, on galère, mais on essaye. On essaye de s'organiser à plusieurs. En étant en collectif, on se débrouille un peu mieux pour joindre les deux bouts. Quand on est debout et qu'on doit joindre les deux bouts, ben ça dépend de la température de l'eau. Quand l'eau commence à bouillir, ben à ce moment-là, je joins les deux bouts et sinon, ben je reste debout. Comment vous faites pour joindre les deux bouts? On s'accroche. Pour joindre les deux bouts? Ouais. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas, justement. Il faudrait mettre que le gouvernement arrête de faire leurs conneries pour que les salariés, les précaires, les privés d'emploi arrivent à joindre les deux bouts. Moi, je rame. Je rame et je vends mon cul à qui a de la thune. Voilà, c'est hyper triste, mais franchement, il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça. Après, je bricole aussi. Quand j'ai vraiment besoin de joindre l'œuvre debout, je fabrique ma propre ficelle, on va dire. Oh, moi, je suis du pays des banques suisses, alors c'est très différent, mon paysage. Mais je me sens très touché par les tentatives de faire de la politique autrement. Alors, je suis venu observer. Comment vous faites joindre les deux bouts ? C'est une bonne question. Je suis à découvert. Comment je fais pour joindre les deux bouts ? Tout simplement, il faut arrêter de dépenser de la merde. Moi, j'arrête de dépenser de la merde. C'est-à-dire que on peut se débrouiller avec peu pour bien vivre. Et donc, du coup, notre principale occupation est de vivre avec les autres dans des cadres qui ne sont pas forcément payants. Ça existe. Et justement, Place de la République, c'est un de ces cadres-là. C'est ce qui manquait peut-être à Paris. N'hésitez pas à venir juste pour éviter de dépenser des mille et des cents et de, voilà, d'être à l'équilibre à la fin du mois. C'est faisable. On peut vivre avec peu. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire. C'est comme ça qu'on fera la révolution. C'est en essayant de vivre avec le moins possible. Comment vous faites pour joindre les deux bouts ? Ah, c'est une très belle question. D'ailleurs, je trouve que... En tout cas, j'aime beaucoup le slogan « La nuit debout ». C'est ce que je préfère dans ce mouvement. Je viens d'arriver, je découvre. Je trouve qu'il y a trop d'images. Et trop d'images nuit un petit peu à la vraie poésie. Trop d'images nuit à la poésie révolutionnaire. Vous me demandez comment je joins les deux bouts ? Bah, je suis au RSA. Alors, au jour le jour, je suis pas sûr de finir le mois de mai, pour vous dire la vérité. Il y en a qui se soucient et... Ils ont raison, moi je me suis jamais soucié, j'ai tort, mais je pense qu'on devrait pouvoir vivre sans se soucier d'ailleurs. Je suis d'une génération, je suis né à une époque où on pouvait ne pas se soucier. Et on m'a toujours dit fais gaffe. J'ai pas pu faire gaffe. J'ai continué à vivre comme ça et à travailler. À essayer de créer ma vie, à essayer de vivre debout. C'est très beau, la nuit debout. C'est vraiment un très, très beau... Je trouve que c'est très fédérateur, ça attire. Moi, ça m'attire. Je suis très conservateur, je suis presque réactionnaire. Bon, mais je suis plutôt d'extrême-gauche, mais disons, j'ai toujours peur de... Disons, j'ai confiance en rien. Et bien là, ça me donne confiance. Allô, bonsoir, vous êtes sur Radio Debout. On est Place de la République. La soirée se termine avec toujours la projection du film Sur la place, une jeunesse allemande de Jean-Gabriel Périot. On voit des images d'archives d'Allemagne, de l'Ouest plutôt, et ça part de la bande à Bader. Et pendant ce temps, à l'Odéon, en direct sur Radio Debout, Maxime, est-ce que tu m'entends ? Oui, je vous entends. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ? On nous dit que c'est un petit peu compliqué. Effectivement, c'est un peu compliqué. En fait, c'est une occupation qui a été faite à l'appel de la coordination des intermittents et précaires et rejoint par les nuits de boutistes. Donc nous sommes 50 à l'intérieur et il y a environ 200 personnes à l'extérieur. Nous sommes complètement encerclés par les CRS actuellement. Et de ce qui se murmure un petit peu partout, c'est une évacuation sous peu. Ah oui, donc... Actuellement, là, nous sommes en AG. Oui. En AG avec une représentante du ministère de la Culture et l'administrateur de l'Odéon. Oui. Et de l'intérieur, on a plutôt l'impression qu'ils nous baladent, en fait, qu'ils essayent de gagner du temps, alors que tous les manifestants en bas, eux, prennent de plus en plus de place sur la place. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vous disent, alors, là, ces représentants des autorités ? En fait, nos revendications, elles étaient très simples. C'était la possibilité de rester jusqu'à mardi, puisque en fait, en ce moment, il y a des renégociations de l'assurance chômage et demain, il y a la dernière table de négociation pour les intermittents. Donc déjà, ça, c'était notre première revendication. Elle nous a été refusée. La deuxième, ça a été de faire une AG à l'Odéon. Au début, on nous a dit oui. Et puis maintenant, on vient de nous dire, en fait, on va vous chercher un autre lieu. Et ensuite, on nous a fait une dernière proposition. C'était d'avoir un lieu sur place pour pouvoir travailler, informer, diffuser, décrypter tout ce qui nous arrive dans la tronche. Et pareil, on nous a dit d'abord oui, et puis après, on nous a dit on va vous chercher un autre lieu. Mais cette bataille, on la connaît bien, en fait, puisque ça fait des années et des années qu'avec la mairie de Paris, qu'avec le ministère, on se fait balader d'un lieu à l'autre, tous plus humiliants les uns que les autres. Et si la police rentre pour vous déloger, vous allez faire quoi ? Alors, pour l'instant, nous, on est en train de se mettre d'accord sur nos modalités. Quoi qu'il arrive, on ne sortira pas gentiment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va pas répondre aux premières sommations qui sont allez-y, sortez, et puis on va sortir par les escaliers et par la petite porte. C'est soit on sort par la grande porte, la tête haute, soit ils nous sortiront un par un. D'accord. Ben, la nuit debout ici à République se termine. Peut-être que les derniers participants qui regardent le film en ce moment pourront venir vous rejoindre. Ah ben, ça, pour nous, c'est très très important, puisqu'on est vraiment dans un rapport de force là actuellement, puisqu'on négocie avec le ministère de l'Intérieur, on négocie avec, avec le ministère de la Culture. Ça prouve vraiment que nous sommes dans un rapport de force avec eux et qu'ils ont peur de ce rapport de force-là. Et les manifestants qui sont en bas et qui nous soutiennent, ils ne sont vraiment pas pour rien, ils sont très motivés et c'est très très agréable parce que ça prouve que l'idée de convergence des luttes, c'est pas un petit mot, c'est quelque chose qui est réaliste. Dès qu'il se passe quelque chose, au moins il y a toujours quelqu'un pour répondre présent et on n'est pas seul dans nos luttes. Merci beaucoup Maxime. Donc tu es toujours au Théâtre de l'Odéon, dans la vraie occupation du Théâtre de l'Odéon. Eh bien oui, on y est toujours et l'idée pour nous, quoi qu'il arrive, c'est de rester le plus longtemps possible. Et on va penser à vous et faire un peu de musique pour clore l'antenne. Bonne nuit, bon courage. Bonne soirée, bonne nuit de moi tout le monde. Donc on est toujours en direct de la place de la République avec Radio Debout. À ma droite, chez Scott Taylor, accordéoniste, pardon, qui doit avoir un peu froid aux doigts, mais ça va. À ma gauche, j'ai Marc... Gaspard Lanuit. Gaspard Lanuit. Et après, à mon extrême gauche, j'ai Chapai. Chapai Palotai. Très joli, j'ai du mal à le dire. On va commencer par une petite chanson à l'accordéon et au chant par Scott. On va même finir parce qu'on va clore l'antenne avec vous, les amis. Mais on commence par une chanson avec Scott et après, on aura encore deux morceaux. C'est Radio Debout, Radio Debout. Okay. Here we go, Scott. Because I'm a stranger, everybody wants to dog me around. Well, I wonder why everybody wants to dog a poor, poor stranger so. Yes, I wonder why everybody wants to dog a poor, poor stranger so. They just better remember they're gonna be a reaping just what they sow. Well, I'm a stranger here, and I'm a stranger there, and I'm a stranger just about everywhere. Yes, I'm a stranger here, and I'm a stranger there, and I'm a stranger just about everywhere. Yes, I've gone back home, man, but I'm still a stranger there. Well, ain't it hard to stumble when you got no damn place to fall? Ain't it hard to stumble when you got no damn place to fall? In this whole wide world, I got a no damn place at all. When I packed my bags, thought I'd leave behind my cares. When I packed my bags, thought I'd leave behind my cares. We're going on some 10 years now, and I'm still looking for a good deal somewhere. Well, I'm a stranger here, and I'm a stranger there, and I'm a stranger just about everywhere. Yes, I'm a stranger here, and I'm a stranger there, and I'm a stranger just about everywhere. Yes, I go back home, man, but I'm still a stranger there. Alors, maintenant, une chanson qui a 40 ans, avec Scott à l'accordéon, Chaba à la guitare, et moi-même, Gaspard au chant, une chanson d'Igelin. À toi qui pleure, qui hurle, et qui te lament, j'ai dégoté un morceau de derrière. À toi qui pleure, qui hurle et qui te lamente, j'ai dégoté un morceau de derrière les fagots. À toi qui trime, qui courbe les chines, j'ai là au fond du sac un truc à trois temps pour ta tête à claque. Un chouette gros morceau de blues, un chouette gros morceau de blues au fond de ma musette. Un coup de blues, un coup de blues à 118 degrés, du bon, du gros qui tâche. Ouais. Babadé. Babadé. À toi assis tout seul dans une salle d'attente, à toi qui fais les 100 pas pour tuer le froid, j'ai dégoté un soleil venu d'Argentine, trois Vénus et trois bouteilles couchées dans le panier à chien de ma cuisine. Un chouette gros morceau de blues, un chouette gros morceau de blues au fond de ma musette. Un coup des 120 degrés du bon qui dépendait. Allez, allez, la vallée. Vous pouvez danser, vous pouvez danser. Jungle des villes qui crie l'amour sur les murs de la cité. J'ai dégoté dans les plis de son accordéon le bon feeling pour faire valser la révolution. Oh, un chouette gros morceau de blues, un chouette gros morceau de blues au fond de mon gosier. Un morceau de blues, un chouette gros morceau de blues qui chante liberté. Un chouette gros morceau de blues qui chante liberté. Merci, merci, merci, merci infiniment. Merci tous les trois. Merci d'être venus chanter, jouer dans ce froid. Les gens sont autour de nous. Merci, voilà, merci à vous qui nous écoutez. On rend l'antenne et on vous attend demain. À toi, Arthur. À demain, 20h. À demain, 20h. Et good night.